En direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 3 de la saison 2015-2016 de la soirée du podcast. L'alignement de départ pour le match ce soir, le numéro 75, JF Crump, le numéro 21, Dave Thibodeau, le numéro 24, Mart Véro, yeah. Le numéro 98, Alex Galipeau et le numéro 31, JF Mallette. Oui! Alors, les gens qui suivent le Drinking Game, vous pouvez prendre une gorgée, le pacing du début du show a encore été foireux. Des caramels mous. Juste à la maison matin, oui. Ça qu'on a entendu. Nous sommes une émission de discussion ouverte sur les activités du Canadien de Montréal et de la Ligue nationale de hockey et on vous en parle bien sûr avec passion et boisson. Mm-hmm. Et caramel mou. Et caramel mou parce qu'on enregistre aujourd'hui édition du 30 octobre 2015, veille de Halloween. Fait que ça se peut qu'on mange des bonbons. Ouais. C'est son, on a des roquettes, des Twix, toute la patate. Toast all, motherfucker! Yeah! Happy Halloween, bitches! Party! Sur ce, on va aller faire l'avant-match. Qu'est-ce que l'iPad répond aujourd'hui? Oh. He's on point. Il y a comme du noise dans les écouteurs. Oh, c'est des paquets de roquettes. Alors, vu que Dave, Dave et Mart sont tannants, on pensait que Dave... Des roquettes. On aime... Je m'en allais demander les positions du pool de la soirée du podcast cette semaine avec la bouche pleine de roquettes. Fait que moi je les ai pas notés, fait que Dave, vas-y donc avec le top 5 puis nos positions nous, ouais, nous ça, autres. Ça c'est par exemple, ça a l'air d'être live. Ouais, fait que, non, c'est là, on prend pas live, je prends cumulatif là. Ah mais tu sais, j'étais cumulatif. Okay. Chris, on a droppé, il a pas fini de comptabiliser les points ce matin. Première position, Mathieu Labonté. Deuxième position, félicitations, Mathieu. Sébastien Giacometti. Troisième position, Alex Galipeau. Yeah baby. Quatrième position, à égalité avec... quatrième position aussi, hein, en fait. Hein. Jean-François Crombe et JF La Liberté. Oh shit! Oh. J'ai percé le top 5 tel Mike Condon. Ah, et Martin Véro. Oh. Donc, quatrième position, il y a comme une égalité ici. Là. Ensuite, cinquième position, ben là, on tombe à Jean-Michel Brière. Je connais pas. Non, et par la suite, les gars de la soirée du podcast, moi, je suis après David Thibodeau. Ensuite de ça, on a... T'es après David Thibodeau? Ouais. Je suis genre, ben c'est parce que c'est bien. L'ordre, est comme, l'ordre marche pas, tu sais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais il y a des égalités, c'est comme, c'est impossible. Alors, c'est insensé. Fait que après c'est ça, non on possible. On a Alexandre Crompe et Jean-François Mallette. Qui est pas là ce soir, Alex Crompe? Alors, on fait partie tous du top... 21. 19. Ah. Qui est le dernier, c'est ça? On le nommera pas. C'est lui qu'il faut pas nommer. Top 19, il y a 22 poules. Non, on a 41, je pense. C'est un ouais. Certain Lampron, mais on dira pas son prénom. Là. Oh, là, c'est Yannick. Le... Salut, Yannick. C'est Yannick que je salue, que j'ai vu au Weekend Gaming cette semaine. Ah, oh, le dernier. Ouais. Ah, tu parlais dans notre gang? Ouais. C'est Mallette. C'est moi. Mais c'est encore tôt, c'est encore tôt. C'est pour ça mais que tu disais que c'est de entre la 20e et la première, il n'y a pas même un gap parce que t'es là. Hein? Ouais, là, c'est, j'ai plein canac dans mon pot. Ben, il est payant. Ouais, c'est vrai que t'es pas loin. J'ai plus gêné, moi. Pourquoi t'as pris Blackhawk dans ton pool? Ouais. Bon, la gamme des réplications. La quoi? T'as pas pris Galchenyuk? Ben, parce que. Je m'en souviens plus, honnêtement. Il est pas dans la catégorie Plaky. Tabarnak, je suis. Non, oui, t'es même pas là, Sty. Ah oui, c'est notre catégorie des joueurs des Canadiens. Dans mes joueurs. Faudrait que je réveille. C'était Blackhawk, Galchenyuk, des harnais. Don't fuck around, man. Day-Louise. Oui, non, il aurait dû mettre... Day-Louise. Day-Louise n'est pas là. Day-Louise n'est pas dans le pull. Sinon, je le répète. Ben là, j'espère. On a vu la bière à Day-Louise tantôt, par exemple. Je l'ai pas acheté. Ouais, Brasserie Archibald, ils ont fait une bière qui s'appelle comme Weiss. Ben, c'est avec deux S. Ouais, deux S. Parce que c'est pas pareil. C'est la Weiss, c'est pas de la Weiss. Non, c'est la Weiss. La Weiss. Ça m'a marqué. À deuxième point de l'avant-match, Breaking News, nous serons... Live devant public dimanche prochain en direct du Geek Fest. Martin est out là. Martin est choker en ce moment, peut-être, on sait pas. Va-t-il être présent? Soyez sur place pour savoir si Martin va être là ou pas. Il va venir. Demandez sa présence sur Facebook et les médias sociaux. Donnez-lui du love. Ouais. Venez sur Facebook, Twitter, puis taguez-le, puis dites que vous le voulez. Fait que. C'est Collège Maisonneuve, c'est bien ça? Oui. Cégep Maisonneuve. Cégep Maisonneuve, dès 15h le dimanche 8 novembre au Geekfest. On fait partie du genre de podcast mania là, qu'il y a dans le genre de cafétéria bar. C'est le bar Nexus. Le bar Nexus, bar de lesbiennes. Alors, fait que. Message aux fans, là. Faites donc pas comme pour les t-shirts. Message aux fans. Non, mais les gens qui nous ont envoyé des t-shirts et qui nous en ont pas acheté, là, ceux qui nous ont envoyé de faire des lives, venez donc au moins nous encourager. Pour vrai, ça va être la fun. On va mettre un micro pour discuter avec nous autres. Ça va être vraiment interactif. On va être minimum 4 personnes ou 6 si tout le monde vient. Puis on va avoir un micro pour la foule pour que les gens puissent venir nous poser des questions. On a le bordel total. Puis on va parler de hockey dans un bar. On parle dans un bar, on boit de la bière. Fait que venez boire de la bière avec nous autres dans un bar, dans une ambiance festive. Ça va être comme une discussion de hockey de bar. Dans un bar. Dans un bar pour vrai cette fois-là. C'est ça. Est-ce qu'on dit le sujet qu'on va parler un peu ou on le garde pour surprise? Surprise. Ça va être un peu différent de la formule habituelle parce qu'on a juste 55 minutes, fait qu'on va couper un peu dans ce qu'on fait. Ouais, t'avais dit une heure. 55 minutes, mais je suis sûr qu'on peut déborder un peu. Là. Des prolongations, ça se négocie. Jean-Marc Parent. Je vais rien à comparer nous autres. Name drop. En défense! En défense! Fait qu'aller sur la page Facebook de la soirée du podcast. On passe Burger King à tout le monde après. Allez voir ça, on a créé un événement Facebook. Fait que venez vous inscrire puis venez nous voir au GeekFest 2015. C'est tellement pas notre crowd, mais. Des roquettes avec une gorgée de bière, c'est bon. Je vais laisser tantôt que je vais en finir de parler. Ouais. C'est un GeekFest. Ouais. C'est vraiment pas notre crowd. Là. Non, sauf que nous, on fait partie comme d'un événement à l'intérieur du GeekFest qui est des podcasts qui vont diffuser toute la fin de semaine. Mais pas un podcast, c'est un petit peu geek. Il y a des fans de hockey geek aussi. C'est ça, exactement. Oui, mais c'est ça, il y a des geeks fans de hockey. C'est un peu geek, un podcast. Hein. En ce moment, c'est un peu geek. Là. Oui, on est dans le vendredi soir et on parle dans des micros. Tu dois savoir quand t'en montes encore. En ce moment, là, à 8h23, on là, est geek. Plus geek. Maintenant. Ah, là, c'est fini. OK. On est plus geek. Fait qu'allez voir ça. Un autre point. Félicitations à Max Tremblay de l'épée légendaire qui a remporté le concours du bâton McDonald's Jeff Petrie. Ah ouais, pétris-moi le sac. T'es un sale, Max. On te call out. On le veut, le bâton. Ouais. On veut ça dans notre décor. Ouais. C'est vrai, il a retweeté. Il n'a pas mangé 20, il a retweeté le mot poutine. Ouais. Okay. Moi, j'ai retweeté aussi. Ouais, t'avais juste à suivre McDo. J'ai retweeté. Pas gagné. Moi, je voulais gagner le jersey. Mais j'ai pas gagné. Ah. Fait que Max, je pense qu'il va être là au GeekFest la semaine prochaine. Amène ton bâton, on veut prendre une photo avec quelque chose. Là. Je vais y toucher. Ben non, je tiens ton bâton. Il est déjà serré là, d'une boîte avec une vitre. Là. Il est autographié par qui? Petrie. Ah ouais. Puis il y a une photo de Petrie qui fait un thumbs up. Sur le bâton? Avec un chandail McDonald's. Tu sais, le petit M, ça. C'est un polo. C'est ça que j'aime. Un petit polo. Félicitations. Un petit polo piqué. Puis, hey, j'avais parlé au dernier épisode que j'avais passé à Parlons Balado. Là, l'épisode est sorti, fait qu'elle écoutait ça. Parlons Balado. Je connais pas le nom, le site web par cœur. Fait qu'elle... C'est le fun en astuce. Ouais, cherchez Parlons Balado. Juste de belles blogs. Ouais, j'ai moffé ma blog complètement. Dernier point, j'aimerais remercier Mathieu Gélina pour le Drinking Game de la soirée du podcast 2015-2016. Ouais. Yes. Moi, c'est quand je regarde mon téléphone, c'est combien? Je l'ai ici. fait que je vais. Comme l'année passée, je vais nommer les critères, puis vous pourrez réagir à certains points. On voit qu'il nous écoute pas mal. Fait que, premièrement, tu bois une gorgée de bière si Dave lâche un rot. C'est le premier point. Là. J'ai pas fait encore. C'est bon. Alex Galipo joue avec son smartphone. C'est le cas. le pacing du début du show est foireux. Et voilà, c'est le cas. Vous buvez. L'iPad fonctionne mal. C'est pas arrivé encore aujourd'hui. On est chanceux. Tu bois deux gorgées de bière si Marc Bergevin parle tout croche. Ça arrive pendant tout le temps. Alex Cron parle de Plecky. Ça arrive en tout temps aussi. Ah ouais. Un joueur est sur la cocaïne et ça parle de Philippe Quentin. Ça, c'est le côté de JF. après ça, tu bois trois gorgées de bière si Dave parle de Chantal. Mallette. Mallette call-out n'importe qui. Alex Galipo dit il est pas prêt. Il est pas prêt, c'est JF Chrome ne peut pas faire ses plus et ses moins. Ça arrive régulièrement. Michel Therrien dit il est mieux de comprendre. Et la toune cocaine d'Eric Clapton joue. Ça risque d'arriver aussi. Tu bois trois shooters de Jameson si ça comme c'est violent. Ça c'est l'assommoir. Trois de shot. Fait que trois shooters de Jameson si Tom Gilbert est dans les plus. Ça arrive pas souvent, fait que vous êtes chanceux pour ça. Il y aura pas beaucoup de shooters de Jameson. Bergevin dit dans un point de presse et encore là. Parce que ça il dit tout le temps ça. Et encore là. Okay, fait que ça tu vas en boire en tabarnak de Jameson. Ça jase de Probert. Martin. Ouais, c'est rare en esti. Yeah. Théodore se compare à Carey Price. Période, là. Théodore se compare à Price et ça parle de cash-in. Et dernier point, tu vides ta bière si un des gars de la soirée du podcast passe t'as proche. Tu as les shooters de Jack, de Jameson avant ça, de tu cales un chaser. c'est ça, Darman. The fuck. Fait que, ouais, c'est fait que tu vides ta bière si un gars de la soirée du podcast passe proche de mourir pendant le show. C'est parce que je me suis étouffé avec mes frères. Ouais, c'est ça. Mallette prononce tout croche un nom de ville ou un nom de joueur. Alors, il l'a comme, ça, il l'a comme deux ouais, fois. Ouais, je continue. Il y a Marcel Aubut qui mange de la marde. Glendo. Juste Marcel Aubut. juste Marcel Aubut. Ça, c'est deux fois. Là. Qui mange de la marde. T'as Glendo aussi qui est un point seul. Fait qu'en plus que JF prononce mal un nom d'équipe ou de ville, il y a Glendo à part. Ça dit qu'il te cale deux bien dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. On s'en calisse. Et Mart met celui dont on a un peu nommé le nom dans les plus. C'est pas arrivé encore non plus, je pense. Nope. Alors, c'était le Drinking Game de la soirée du podcast. Disponible sur notre Facebook. Allez, downloadez ça et mettez-vous chaud. Downloadez-les. Soyez prudents. Imprimez-les, puis jouez. Ouais. Puis buvez de façon responsable. Couplez avec de l'eau. Souvenez-vous à gueule, mais responsable. Ah, puis tâchez-vous. Prenez donc une gorgée. Non, c'est pas vrai. La soirée du podcast se dégage de tout propos dit dans le Drinking Game de la soirée du podcast. Marcel Aubut. Juste la N'oubliez pas la Pline Rouge aussi. Vous ne bourrez pas gros à soir, les boys. La belle gueule, elle fait pas roter. J'essaye, mais ça veut pas. C'est comme jamais, on dirait. C'est... Attends en troisième. Après 3-4. Là. Fait que c'est tout pour. C'est tout pour l'avant-match. Tout pour l'avant-match. Fait que commençons la première période. Allez, l'iPad, allez. Bruit une gorgée. Bruit une gorgée. Je sais pas si c'est moi qui ai les doigts trop fins, là, ou... bruit deux gorgées. Je vais commencer à te bencher bientôt. Des deux minutes, m'a coupé ton micro, je pense. Non, mais je voulais le faire pour que le monde boive une gorgée. Okay. Là, je me retiens. Tant que c'est pas dans la jasette, c'est correct. Il n'y a pas le drinking game de la jasette. Mais... voici le résumé des matchs entre les deux podcasts. Vous m'arrêtez si vous êtes quoi à dire. On s'en allait sur une méga séquence victorieuse d'un record. Et non, c'est pas arrivé finalement. Quoi dire tout de suite? Quoi dire? Non. Fait qu'on a commencé contre... Tu vas lever ma main, moi aussi. Professeur. On a joué contre les Rangers de New York. Une victoire de 3-0. Fuck you, allez, Vigneault. Your face! On dirait ta face! Fuck you, Alevigno! On dirait que c'est une line de Black Taboo, là. Soit ça ou un jeune de 13 ans qui joue à Call of Duty, genre. Dans une tour des anticipateurs, peut-être. Ouais, c'est un bon match, ça. C'est cool comme match, ça. C'est quand, ça, ce game-là? C'est le deux semaines. Samedi, le deux semaines. C'est ça. Oh, shit. C'est un jeudi. C'est un good game. Après ça, on a joué contre les Red Wings. On pensait perdre. Finalement, on a gagné 4-1. Oui. Ouais. Suivi d'un match contre les Blues de Saint-Louis, une victoire de 3-0. Ouais, ça, c'était, cool, ça, c'était bon. C'est-tu temps de parler des deux tatas? C'est les deux tatas? Les Hitchcock et Hitchcock. Ouais. Sûrement Hitchcock, c'est Around. On va le garder pour dans le deuxième, ça. Parfait. Ouais. Ensuite, on a joué contre les Sabres de Buffalo, une grosse victoire de 7-2. Ah ouais, ça c'est un massacre. Ils ont jamais enlevé le goaler. Moi, c'est comme. Ils ont enlevé le goaler à 4 minutes. Ils l'ont enlevé à la fin, je pense. Ouais, mais. Il restait quand même beaucoup de temps. Ça donnait plus grand-chose rendu là. Je pense qu'il a rendu 5 ou 6-2. Non, non, ils ont fait comme Patrick Roy, puis enlever les bras. Ils ont jamais switché le goaler. C'était qui le goaler? Ça va se lever, moi, j'ai jamais eu ça. Que oui. À la fin, comme quand il restait. C'était Johnson. C'était Chad Johnson. Ouais, il est resté tout le long. Ah oui, il a été jusqu'à la fin. Puis, avoue, t'as-tu parlé de le commentaire de Gianta avant la game, la CDP? Who cares? Oh, qu'est-ce qu'il a dit? L'affaire de il a dit Price il est bon à cause d'Alak. Ah, tu l'as pas mis, ça, sur ton... Qu'est-ce que c'est, le truc de Siva? John Gianta qui dit que Price est bon à cause d'Alak. L'affaire d'Alak des anticipateurs. L'affaire d'Alak? Ouais, non, j'en manque pas. Ah, faut que tu le mettes sur ton board. Non. On aurait-tu dû garder Alak? Oui. C'est quoi, c'est une nouvelle toune? Ouais, des anticipateurs. Je te l'ai envoyé le lien l'autre fois. Ah, j'ai pas vu. Okay, désolé tout le monde, ça. On va le faire la prochaine fois. On va pas mettre quand même des anticipateurs si tu veux. Là. Un shooter. Une gorgée. non, là, c'était pas la. C'est cocaine. C'est ça qu'il faut mettre. Cocaine. Oh! Une job. C'est pas ça qu'il faut faire. Ça, c'est deux gorgées. Pas nous autres, dude. Non, nous autres, on boit tout le long, de toute façon. Ouais. Nous autres, on a besoin de prétexte pour boire en podcast. Faut chauffer, c'est-tu. Ensuite... Ça, c'est tantôt. On a joué contre les Super Maple Leafs de Toronto. Un petit café. Mais... Bad game. C'est ça, man, on méritait de perdre. Ouais, on a gagné 5-3, finalement. Ben, la game contre les Sabres, il y a des moments dans la game où ce que Chris... Ouais, ils ont dominé. Ils ont contrôlé pas pire. Ben, ça fait 2-2. C'est deux games, là. C'est deux games, là. C'est les 4 buts. C'est la deuxième période qu'on s'est fait dominer, puis on a scoré 4 buts. On a scoré 4 buts. C'est contre les Maple Leafs. Après ça, c'est contre les Sabres. Ça, pour de vrai, là, c'est fou, là. Vraiment, on méritait pas ça, puis on scoré 4 buts. On scoré 4 buts, puis on s'est fait dominer cette période-là. Ça, pour de vrai, c'est... À partir de là, on était supposé toutes les pertes. Oui, tout à fait. À part celle d'hier, mais là, ça, on va en reparler. Ça, ça meurt. On s'en calisse. Non, mais... Tout à fait. Juste pas on était rendu à 9 victoires de suite, à 0 défaite contre les Maple Leafs. Ah! On a égalé les records, je pense, avec le 9. Oui, ou... le nombre de victoires en temps réglementaire. Ouais, c'est ça. Ben, c'est égalé ou battu? On a battu, il a fallu 10. On a égalé, mais... Le 10, c'est le nombre de victoires du début de la saison. C'est 9 en temps réglementaire, je pense que c'est un nouveau record. Oui, c'est un nouveau record. Moi, je décide que c'est un nouveau record. Moi, je le donne aux Canadiens. Oui, mais on a aussi le plus de victoires à l'étranger en début de saison. Non, mais il y a aussi... Non, mais Vincent, il y a un goaler qui a fait... That's fishing. Ouais, mais c'est Chris, asti, je te dis ce qu'il y en est. Toi, tu cherches tes records avec genre en temps réglementaire. Ben moi, je t'en donne un autre. C'est TVA Sport qui a fait ça, pas moi. Ben c'est pas TVA Sport, c'est tout le monde. Ben il me semble que j'ai vu qu'il y avait un goaler qui avait eu 10 victoires dans le temps. Parce que Price, il a eu 9 victoires, puis j'ai vu un poste. Ah, mais en mais c'est peut-être il a peut-être pas tout goalé les games d'affilée. Ah oui, c'est sur un start de saison. C'est pas en début de saison. Ben, il disait qu'il y en a un qui s'était pas fait battre, là. Pas en début de saison, parce que c'est les Sabres puis les Leafs qui ont réussi le record. C'est Ryan Miller ou Félix Potvin. Puis les Chics, les Sabres, il y avait une game. Non, le goaler, je te parle, ça date des années 50, là, 60, là, début 60. OK, fait que les premières 10 games du goaler. La game a changé. Je sais pas, je pourrais pas te dire, là, mais j'ai vu un post passer de même que Price n'a pas battu le record de ce gars-là. Mais il n'a pas joué la game, Price, anyway. Non. Mais je pense qu'on avait un autre record aussi où il y avait comme ouais, pas ça, de exact, but contre le Canadien en première période dans les 9 premières games. Là. Ouais, ça, c'était quelque chose, ça. C'était solide. Et c'est fini. Ouais, ça a été fini contre les Canucks de Vancouver. Des beaux records qui nous mèneront pas à grand chose à la fin de la saison. Ça donne pas de coupe, ça. Ça pourra rien dire. La seule affaire qui est cool de ça, le record, c'est que l'équipe a 100 coquins, puis c'est le fun de voir un nouveau record. Comme l'année passée, Price, c'était cool. C'est sûr, c'est le fun. Nous autres, on voit presque plus l'histoire. Ouais, mais toi, le record, toi, t'es complètement aveuglé par ta partisanerie. Tu sais, toi, t'es comme un enfant devant sa peine de Noël quand t'entends ces affaires-là. Moi, j'aime ça encore. C'est ce que je veux, man, hostie. Ouais, boy, mais... fuck les records, c'est encore ouais, mais tu sais, toutes les autres générations ont vu qu'à dire faire les records. Si on regardera dans ce livre-là, les records, pas de suite, ils n'ont rien à ouais, faire. Ouais, puis là, tu vas voir qu'il n'y en a pas de ta génération. Oh, j'ai tout manqué. Ben, moi, c'est ça que j'aime. Quand hey, alors, c'est que j'ai pu voir de mes propres yeux, si pour une fois. Ouais, mais tu vas le compter à qui dans 50 ans, si tu vas dire. À toi, à l'hospice. T'en rappelles-tu, Mark, quand on a eu ça, on a gagné 9 games de suite. Quand va se passer, tout le monde. Puis on s'est fait éliminer en première ronde. En train de descendre des Escaliers. Une chaise. On va être à José. Les chaises sur le bord, là. Ouais, les chairlifts, le genre, là. Qui va vous amener vers votre bain à porte, là. Ouais. Ah, un bain à porte. Ça, c'est un bain assis. Ouais. Hey, ça, là, quand tu ouvres la porte de ce bain-là, tu dois-tu en manger? Ça fait peur. Aller, wouh, hey, tu passes sur le slide, là. C'est sûr, ça arrive. Des petits vieux oubliés, tu sais. Il remplit son bain, puis après ça, il ouvre la porte. Wouah! Il doit avoir un safe. Non, mais ça, en plus... Mais ça, c'est de la merde. Ça veut dire qu'il faut que tu remplisses ton bain pendant que t'es dedans. C'est ça, faut tout ouvrir dedans, assis. Faut t'attendre. T'attends que ça monte. J'espère qu'il n'y a pas une drop de pression. Avec la petite au frette au début, là. Chérie! Imagine, genre, t'as oublié, Chris. T'étais sur la fin de ta tête d'eau chaude, t'arrives à la fin, fuck, j'ai plus d'eau chaude! Ouais, ouvre la porte, là, c'est clair, là. Ouvre la porte! Tu pars. Eject, là. Fait qu'on parlait des victoires du Canadien. Pas les bains magiques de petit. Hey, ça te prendrait, si, une affaire, un gazou, même faire du gabotinage. Ah, j'avoue, gazou. après ça, on a perdu contre les Canucks 5 à 1. C'est ça, dégueulasse. Brendan Prost est venu dominer, là. Ouais. Avec sa poudre, là. avec sa poudre. Puis après ça. Il est venu scraper tout le monde la veille. Là. Ouais, c'est ça. Puis hier, on a perdu contre les Oilers 4-3 alors qu'on menait 3-0 en deuxième période. Ça, c'était dégueulasse. Tabarnak, c'est inacceptable, ça. Ah, c'est comme Michel l'a dit. Ça, c'est inacceptable. Ça, t'as pas le droit de perdre une game de même. Ben, écoutez, on s'est fait ça t'arrête de jouer au hockey. Est-ce qu'on s'est fait servir une leçon de hockey ah, par Connor McDavid? Non, le Connor était responsable de deux buts des Oilers. Puis c'était incroyable. Ouais, mais c'est une recul. Ouais, mais c'est pas lui qui a fait. On a perdu. Là. Le Canadien a perdu la game. C'est le Canadien qui a perdu la game. Oh, oui. Présent. Hey, à partir de la moitié de la deuxième, là, le Canadien a regardé les Oilers jouer. Là. Carrément. Là. Ben, c'est ça, mais Connor, ouais, il était sous le cul et il était capable de réussir à passer le puck au centre. Ah, mais bon, tu vois comment faire ça. Au là. Début de la saison. Là. Ben non, mais les joueurs du Canadien étaient le même. C'est pas les Oilers qui ont gagné. Au début de la game, Connor, là. Il s'est fait arrêter souvent par les défenseurs du Canadien. Parce qu'on jouait. Parce qu'il jouait, c'est ça. On quand t'arrêtes de jouer et tu le regardes jouer, il est bon, regarde-les jouer. Ah, mais non, oui, dernier, Chris, regardez les lignes de poudre à terre, il était prêt à rien faire. Le dernier but là, que Deschuatos a scoré. Ouais, là. T'en aurais une coupe que tu pourrais name-dropper là, pour le dernier but de la game. Ben, il y a dernier. Les deux défenseurs pour le but de Pouliot, man, il était où, mon gars? Pouliot, était... en plus. Ça, c'est Souban. Les deux étaient Souban avec Marcotte. Souban, il dormait au gaz. Ils ont joué mou, là. Ils ont joué soft à la fin. J'ai dormi au gaz, toi. Ben, ça coûte cher. Ah ouais. Mais l'affaire qui arrive, là, c'est que les Oilers, si t'arrêtes de jouer un petit peu contre eux autres, ils sont tellement forts. On leur a donné la chance de revenir au match. Que ces gars-là, ils drivent le puck. Gars, tu leur donnes un peu d'espace, là, avec le talent qu'il y a là, ils prennent l'occasion. Ouais, mais ça n'a comme aucun sens. Hey, tu leur donnes un pouce, ils en prennent 10. Et si, boy, ça n'a pas de sens que ce team-là soit pas plus haut, de toute façon, dans le classement. Ils n'ont pas de def. C'est ça, mais ils ont tellement. Ils n'ont pas de def. Mais ils ont tellement de talent à dans cette équipe-là, ça n'a aucun bon sens. Ah, ça va s'en venir bien. Ça va s'en venir. Mais pour de vrai, c'est une équipe facile à battre quand même, parce que tu as vu Dredd en première. Ouais, mais on n'est pas capable de les battre, nous autres. Ok, mais on n'est pas capable. Carey Price, c'est quoi? Il n'a jamais gagné une game en Metric. Ah non, why the fuck was he goaling? C'est son mouton noir. Il a dû faire jouer Gondon hier, puis au soir, faire jouer Price. Ouais. Ouais, mais en même temps. Why not? Ouais, mais en même temps, il a probablement. Il a jamais gagné une game. Mais non, parce que, non, mais parce que Price veut le faire jouer samedi au Centre Bell tout le temps. Là. Non, mais il est pas au Centre Bell? Ah, c'est pas au Centre Bell samedi? Mais non. Ben non, c'est la game est à soir. Ouais, c'est dimanche chez Winnipeg. La game au Centre Bell, c'est. Contre Air Canada. C'est dimanche, ok. Contre Air Canada. Fait qu'ils veulent le faire. Les conservateurs d'Air Canada. Ils vont jouer contre le Canada. Pis, moi, j'aurais fait ça, tu sais, Chris. Gars, tu gagnes jamais, là, Calis. Ben, à un moment donné, il faut qu'il goal aussi s'il est si bon que ça. Fallait que j'aille goal à Edmonton. Ouais, mais il est tout, là, tu sais, c'est ton gardien de meilleur au monde. C'est ton gardien de meilleur. Tu demandes, t'as-tu le goût de goaler? S'il a le goût de goaler contre les jeunes, ils veulent mettre dans les buts, man. Ah oui, ils veulent tout le temps goaler. Ils veulent tout le temps. Ouais, il va toujours dire oui, là. C'est toi le coach. Il dirigeant, regarde, c'est même pas à faute à Price, là. C'est parce qu'il est prêt à les Les goalers, là, ils grattent avec sa mythe et le biscuit dans la porte pour aller goaler. La faute, là, c'est un effort. C'est un effort collectif. Ouais, mais même hier, Price, deux contre un, c'est un Pacioretty Subban qui ont fait un. C'est une paresse collective. Ouais, Chris Subban aurait dit, pas Subban, excuse-moi, Pacioretty aurait dit à passer à Subban. Pourquoi qu'il n'a pas passé? Parce qu'ils ne sont pas parus. Parce qu'ils sont passés au banc comme nobody cares. Justement, il y a Mathieu Gilles Noble de savoir ce qu'on pensait du jeu de Pacioretty. Moi, je pense que je sais pourquoi ils ont perdu. Le band et l'autre bord, là, les caméras, là, ça marche pas. Le band et l'autre bord. Ben raide. Marche pas, c'est les changements. Chris, que Subban n'est pas du bon bord, qu'est-ce qui se passe, les gars? On voit pas le banc en face. Non, mais c'est old school, là. Pacioretty était greedy. Là-dessus, là. Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai pas vu ça. La responsabilité, c'est le gars qui a la puck de passer. Souvent, sa pénalité est finie. Il sort du banc. Puis là, on pogne la rondelle. Il y a un revirement. Pacioretty à la rondelle. Souvent, il est tout seul. Il y a une chance de partir en échapper. Mais Pacioretty garde le puck. Puis il dribble avec. Fait que Souvent, offside. Ouais, puis c'est un 2 contre 1. C'est un 2 contre 1. Tu sais, passer à Souvent qui peut se tapasser que tout tu shoot. Puis on s'entend que Souvent en échappé avec Pacioretty. Il y a une crise de bonne chance qu'on marque. C'est pas parce que tu le sais, ton chandail, qu'il faut que tu manges la poque, que tu patcho. En même temps, c'est pas pour ça. Soit dans mes mains. Non, mais c'est des décisions, même. C'est une paresse collective. C'est ça. Moi, j'ai une mauvaise décision. Mange un scoop, attention. Ouais, mais en tout cas, ils s'entendent pas très bien. Qui ça? Il parle à Bisbee. Souvent puis Pacho. Ils sont dans la guerre de ce temps-là. À cause que pourquoi? C'est parce que ça a l'air que Piqué aime pas les Blancs. Là, que... Ça vient de qui, ça, ce moment-là, Marne? Piqué est raciste. Attends, faut qu'il finisse demain. Je peux pas le dire parce que c'est pas validé encore. Ça vient de l'Angers. Arrête, esti. Fait qu'on va faire nos plus et nos moins des deux dernières semaines. Allons-y avec nos plus. Vas-y donc, David. Avec une roquette. Ouais, je me brûle une roquette, moi aussi. Ah, c'est quoi qu'on fait? Nos plus. il mange juste des roquettes, il goûte pas. Il est comme, mais bonne. Moi, mon plus! Donner à Mitchell. Oh, that fucking right. Ouais. Bah, mon plus, moi, tout. Ouais, moi aussi. Moi aussi, c'est ce que j'ai dit. On a un quatrième trio de luxe. Même des Mitchell a 5 fucking goals. Puis j'aimerais préciser que. Il est déjà rendu à 5. Ouais. Yeah, Mitchell, man. Là, il y a, je pense, 3 ou 4 de ses 5 buts que c'est des déviations. Man, je sais pas comment il fait, mais il a l'œil en crise. Tu sais quoi dans les replays, là, il tape la puck ou il a kick au vol, puis elle lève ou elle descend. Ouais, il est bon en crisse là-dessus. Personne nous avait dit que... Son goal contre les Oilers, man, c'est un hostie de beau goal, mon gars, un hostie snipe. Ben Benjamin nous avait pas averti que c'était un marqueur naturel, ce gars-là. C'est que c'est ça, hein? Il sort de où, lui? Ouais, mais là, attends, là. Il va pogner son cut-off. Il va pogner son slam du temps des fêtes. Mais c'est pas grave, on va y prendre les buts d'un quatrième trio. Mais Chris, oui, mais il y en a 5, man! Il y en a autant que Gallagher. Ben parfait, on veut ça. Non, c'est ça. Ils ont même posé la question à Bergevin hier à RDS. Ils en ont parlé. Autant que Blecky. Puis on... Non. Pour vrai? Ouais. Fait que là, ils ont dit à Bergevin, il a dit, hey, tu n'as pas dit que Mitchell, c'est un sniper? Puis ça a l'air que Bergevin est parti arrêter, puis il a dit, il y a tout un lancé. Les astuces de main. Le petit classique. Il y a tout un lancé. Ah, puis petite mention. Ça, ouais, ouais, vas-y. Petite mention de et plus. Et encore là? Petite mention de plus au powerplay qu'il y a. Semi-débloqué, mais qui s'est redonné vite. Là, mais... L'effet JJ. Pour de vrai, là, ça, c'était contre Buffalo qu'on a compté pas mal. C'est là que ça passé, c'est mais ça. C'est comme... C'était comme... Ça a été éphémère, je dis. C'est garbage, en esti, une coupe de goal là-dessus. Mais c'était pas contre Buffalo, on s'est réveillé. Sur le powerplay avec Buffalo. Le goaler était chier. Mais ça a permis de le remonter un peu. Ça rentrait dans le five-hole. Mais j'ai l'impression que c'était vraiment éphémère. Il y a encore beaucoup de Tu as travaillé à faire là-dessus. Ouais. Encore la misère, comme j'ai dit la dernière fois, de bouger à POC. Parce qu'on l'a vu, on l'a vu contre les Oilers maintenant. Mais ils sont pas quand même contrôlés à POC en bas de la zone. Ils sont tout de suite rushés. Ils se basent tout le temps sur la def, man. C'est le shot from the point. C'est tout le temps le même jeu. Ouais, mais beaucoup de powerplay sont basés là-dessus. C'est juste qu'ils sont pas quand même contrôlés à POC sous la pression d'un joueur qui arrive à être c'est comme. Besoin avec ton plus, Mark. Souvent, ils rushent plus une mauvaise passe. Il y a contrôle la passe, mais quand ils font le shot, ils ont pas d'ouverture. On a rien plus, là. Mais là, Chris, on peut développer un peu. Non! C'est du positivisme. C'est vert, ça! Hey, positivisme! L'objectif, c'est que le monde boive. Toi, il faut pas que tu fasses tes plus ou tes moins. J'ai déjà fait mon plus, fait. Ouais, c'est vrai. Hey, sérieusement, je sais pas, pendant toujours donné à Price. Ah, c'est easy choice. Moi, je pense que c'est bonbon, faut que je donne à Price. Faut qu'ils boivent ça, le monde, là, quand Mark, c'est pas c'est donner ses plus. Non, il y a pas ça, mais on pourrait faire quand Mark refuse de dire son plus son moins. Ou je donne à Gilbert. Puis à Gilbert, tu fais boire le monde. Non, mais je sais pas. Tout le monde, Gilbert. Tu peux donner à Markov, peut-être, aussi. Ah, Chris, ça passe hier. À Galchenyuk. À Galchenyuk, malade. Ça passe à Galchenyuk. Il passe, là, d'un bord à l'autre de la glace, quasiment, là. Puis Galchenyuk direct dans l'embouchure du net, man. Ça a, été plus beau, ça a été plus vite que les caméras. Ça prend, dans le net, ça prend un gars comme Galchenyuk pour pogner comme une passe de même pour la rentrer dans le net. Ah ouais, parce que ça arrivait en SC. Mais Markov, c'est comme le style master, là. Là-dessus, ses passes, là, Chris qui est sa coche. Tu sais, en début d'année, j'aimerais ça qu'il puisse garder ça en fin d'année et tout. Moi, c'est ça qui. Je veux pas qu'il donne trop de temps. Mais t'as-tu vu comment il est rendu profond dans la zone? Tu sais, ici où il se place. Ah, là, il attaque beaucoup plus de ça. Il y a les skills de ce gars-là. S'il joue pas 20-25 minutes par game, ben 25 minutes par game, il peut, genre, regarder plus. Ah, il est encore pour une coupe. Il va falloir qu'il économise à un moment donné. Ah, mais de toute façon, on l'a pas pour encore. On l'a pour quoi, 2 ans, je pense? C'est sa dernière année, l'année prochaine, je pense. Ouais, mais Beaulieu peut prendre un petit peu de minutes. Moi, j'ai dit Mitchell, ouais. Jeff, faisons que ton plus. Pendant qu'Alex s'en pissait. Ben, juste, vu que vous avez parlé de Mitchell, j'aimerais juste souligner que Vincent Danfo, je pense que le trio Mitchell pourrait être un très bon deuxième trio dans d'autres équipes de Ligue nationale. Tu capotes. Puis, non, sérieux, Chris, il faut vraiment être chaud pour dire ça. Ben, à Columbus, peut-être. Peut-être à Columbus. Ouais, ça dépend où, là. Probable. Parce qu'il patine en hostie. Hey, je sais pas, là, mais Mitchell, là. T'as-tu vu le patin de ce gars-là? Il skate en tabarnak, un bon patin. Manasti qui est quick, là. Ouais. Je pense que c'est un CCM, son ça patin. Prend pas... Ouais, c'est ça, s'il porte du 9. Ouais. non, c'est un triple E. Triple E, ouais. Pour qui est large. C'est des pointures européennes, c'est ça? Ouais. Mais sérieusement, mon plus, là, j'irai avec Gallagher parce que je pense qu'il devient un spécialiste des trash goals. C'est incroyable, là, les déviations. Déviations, les retours de lancer. Il mange des volées, il s'en caliste. Ouais. Vraiment, ce gars-là, là, chapeau. Ben, c'est son pain et son beurre, là. Ils ont bien fait de le signer tout de suite à long terme. C'est la seule affaire qu'il fait, lui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, puis il fait à la perfection. Parce qu'il n'y a pas les meilleures mains, là. Non, mais bon, il n'y a pas les mains de cachine. Ce gars-là, c'est prouvé. Mais non, il n'y a pas les mecs. C'est un gars adore, genre, tous ses goals sont scorés genre d'une distance d'à peu près 3m19. Ah, puis même tout le temps. Puis où collé dans le net. Ouais, collé ou sur les gardien, deux. Là. Ou les deux patins. Juste son premier de l'année. Ben, c'est ça, il a rentré ses deux patins. Ah, ça, j'ai pas aimé ça, par exemple. Moi, j'aimais ça. Moi, je trouve que je vais leur foutre. Moi, non, parce que toi, quand tu te le fais faire à Montréal, tu trouves ça comment? Ouais, mais c'était pas de sa faute. Et si, ouais, arrête. Non, fait que, garde, tu as choisi des patins. Moi, honnêtement, si ça avait été à Montréal, ça m'aurait fait chier. Ouais. Qu'on se fasse compter un but de même, que tu sois accepté. C'est dégueulasse. Mais en même moi, temps, les refs, je veux plus mais en même temps, je me dis, c'est le retour du balancier parce qu'on va s'en faire refuser des buts qu'on aurait dû avoir. Ouais, mais non, mais c'est pas ça. Non, non, mais c'est pas. Non, non, c'est un peu. C'est pas un bon but. C'est pas une affaire de refuser des goals, c'est le move. C'est le move que je veux pas voir. Moi, c'est le move que je veux pas voir. J'en veux plus de ça, man. Autant ça nous a permis de gagner, good goal. Ah, c'est ça. L'attaquant le plus constant du Canadien, c'est Gallagher, puis chapeau. Allons-y avec les ça moins. Plus? Maintenant, ouais. Allons-y avec les moins maintenant, Dave. Dave. C'est facile, Esti, il y en a juste un. Hein? Puis il s'est fait couper. Ah non, mais tu vois, moi, je nommerai pas lui, man. Parce que pour moi, lui, c'est comme, je suis pas surpris. Moi, là, ça a pris 10 games à Maxime, ça fait. Je vais vous le dire, là, c'est... Je pense que je m'acharne à chaque année sur lui, là. Heller, man. Pas capable, ce gars-là, moi. Je suis pas capable. Heller me tape ses nerfs. Lui, man, des hops, là, ça dure genre 2-3 games, puis après ça, c'est un down pendant 15-20. C'est pas un down, c'est un plus là, tu peux pas dire ça là, là. Man. Yo, son 15-20 games. Il est pas dans un down, il est dans un imagine, il s'est même pas rendu dans ça, man, puis il est déjà dans un down. Il a scoré hier. Non, scoré hier. Je sais. Sérieux, le débalancer. Moi, je l'aime pas, man. J'ai de la misère avec. Il fait que c'est personnel. Oui. Il me tape ses nerfs. C'est bullying, ça. Moi, je pense que j'aime pas Heller à la même titre qu'il aime pas Blackie. Une Blackie chance qu'Heller porte pas le col roulé. Là, il serait bien mort. Il serait tabassé. Il y a quelqu'un qui aurait mis le nez d'un exhaust de chambre. Lui, il a l'air de laitier en plus, man. Regardez un petit blond avec le col roulé. Faisons avec ton moins mort. Mais c'est un Danois. C'est un nain. Un Danois de Glendo. Puis il mange une Danoise. Un Danois de Glendo. Ton moins mort. Mon moins. Faut-tu que j'ai la misère d'en trouver un, vous devez. Je sais pas, Chris, on fait un gagné là, de ce temps-là. On a perdu deux. On a perdu deux. À part Semin, je suis comme. Écoute, mais non, Price d'un moins encore. Là. Price d'un plus d'un moins. Tant qu'elle en met un moins, je vais y aller avec Gilbert. Là. Arrête, t'as dit ta charme. Je l'aime pas. Il a pas mal joué. Comme Dave aime pas, genre, Heller, moi, c'est un peu les mêmes raisons. Fait que toi, tu sais pas qui dit, tu vas dire, oh, Gilbert. Je mais c'est même pas pour ses stats. C'est même pas pour ça, je m'en calisse. Ouais, mais c'est ses stats. Je le regarde jouer. Je l'aime pas, ce joueur-là, de la manière qu'il. Il pense avec le puck, qu'est-ce qu'il fait, comment qu'il move, ses décisions, ses mauvaises décisions qu'il prend. Lui, là, c'est comme, il y a une passe rapide à faire, là, il est fourré. C'est pas vrai. C'est comme ça. Genre, là, comme un chevreuil, man, le stick avec là, les yeux allumés dans ses yeux, là. Il jam. Man, il fait comme un move, puis tac, man. Il y a plus deux, man, il y a plus deux. Puis j'aimerais souligner que Gilbert... Non, mais ça, parler de stats, j'aime pas le style. Gilbert, c'est le seul joueur du Canadien qui a aucun point. C'est pas vrai, t'as Paul Byron. Chris, il a joué une demi-période. Puis, ouais, mais t'as Beaulieu, Chris, un but. Comment mieux voir ouais, Patrick? Une passe. Beaulieu, une passe. Emeline, une passe. Juste du même bord. Petrie, un but, une passe. C'est ça, ils ont tout des. Ah, ouais, Petrie devrait en avoir plus. Ben, ok. Ouais, mais pas après du game. Pas en tout. Ben. Si, il est même pas sur le premier powerplay. Les devs vont scorer pas du temps sur le powerplay. Ok. Regarde, Beaulieu sur le powerplay, puis une passe. On l'accepte au moins, moi. Vas-y, JF. Ben, moi, dans le fond, je vais en profiter pour dire Semin, même si tout le monde dit Semin. Ben, Semin. It doesn't matter, it's power play Calis. Semin, pour moi, là, quand il a signé, là, moi, je n'étais pas content. Je disais, tabarnak, pas Semin, Calis. Ça me fait penser un peu à Samsonov. Puis Mario Tcherkowski. Moi, tout, c'est Semin, mon moins. Tous les hosties européens, qui n'ont pas de cœur dans le ventre. Pas européens, russes. Ben, russes, c'est en Europe, ça. En tout cas. Ils font pas partie de l'Union. Bref. Dans l'ex-URSS, là. Honnêtement, là, si Cashin serait pas dans fuck off. Il aurait pu facilement prendre la place à Simmons non, sa deuxième. Non, je suis pas sûr à ça. Toi, tu penses ça, là. Toi, là, avec ta boule de cristal, tu vois ça, là. Simmons sa deuxième à gagner. Ouais, mais ma boule, je l'ai échappé, je vois pas bien. Non, mais c'est quoi tu dis, dans le fond? Ta gueule! C'est juste que Simmons, il remplaçait, puis d'après moi, au cours de l'année, si Bergevin a à faire un move, ça date limite, c'est un ailier pour Galchenyuk. JF, Simmons, oui, OK. Simmons, il va plus entraîner Galchenyuk vers le fond, je pense. Ben oui, c'est ça. Parce qu'il va toujours essayer d'aider le vieux, mais Cashin, il n'y a pas de talent offensif de Simmons. Mais Simmons, ça. C'était juste vous faire parler en tant que Cashin. L'autre ça permet aux gens de prendre une bière. L'autre fois, au gym, là. Bon, t'as vu Cashin. Un gars qui connaît Cashin. Il y a un gars qui parlait avec un autre gars. Il disait, je joue tout le temps au hockey avec mon gars. Puis il me bat tout le temps avec le Canadien. Puis il compte tout le temps des buts. Puis là, si, il arrêtait pas de compter avec le numéro 8. Là, je dis, tabarnak, c'est qui ça, le numéro 8? Puis là, mon gars m'a répondu. Il dit, ça, papa, le numéro 8, c'est le meilleur joueur du Canadien. C'est Zach Cashin. Quand j'ai entendu ça, je suis parti arrêter, j'ai passé à ma lettre. C'est lui. Ouais. Le prophète. C'est le gars à ma lettre. Le prophète. C'est ton moins. Ah, c'est sûr que si Zach Cashin avait été élevé chez Thomas Plekanec, il aurait grandi avec, peut-être ça aurait fait un bon joueur de hockey. Ben, ouais. S'il avait bu des verres de lait chaque soir avant de se coucher, là, ouais. Tabarnak. Ben, bon, moi, ça fait pas des cauchemars, ça, quand tu bois du lait avant de te coucher. Ben non, c'est des mythes, ça. Du lait chaud avec un peu de miel. C'est un effet placebo. J'ai bu du lait toute ma jeunesse. Hey, Jeff, sais-tu quoi, à soir, là, tu peux boire un verre. La première fois de ta vie, tu peux le faire. On va y en servir un. T'as pas besoin d'avoir peur. Prends-toi ça. C'est que ton moins, Alex. Mon moins, ben, c'est Semin. Je le dis depuis tantôt. Je dirais, c'est Semin. Ah, ok, bon. Chris. Là, je peux pas dire. Tu veux dire on aurait tous eu le même moins. Ben oui, comme ça aurait été plus vite. Ah, ouais, puis Chris, on moi, je peux pas le dire parce qu'il faut que le monde boive. Ok. Non, moi, je le donne encore au powerplay le moins. J'étais que. On aime ça, le site de routine de powerplay de marde cette année. Là. Je suis vraiment chiant d'année de voir ça. Il y en a justement à faire. Fait que ça marchait pas avec Gagnon. Oui, ça marchait pas avec. Ça fait combien d'années qu'ils font ce jeu-là tout le temps? Mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. On lui dit, allez, on fait descendre la boîte. Ils n'ont pas le choix. Ben oui, c'est ça, il faut descendre la boîte, mais ils ne sont pas capables. Ils font rien après ça. Ils sont pas capables en bas. Ils paniquent avec la poque, ils posent tout en haut. Soyez créatifs un petit peu sur le powerplay, s'il vous plaît. Au pire, jouez juste avec un gars à pointe. Tu sais, s'ils sont comme ça, t'as deux... Ils vont tout être mêlés. Ouais, je sais, mais tu sais... Un gars dans le milieu à pointe, c'est juste que là, tu peux plus la passer sur le bord des bounds, tu sais... Ça serait genre le jeu du... C'est quoi la forme? Est-ce que c'est le même, là? C'est pas le... Bah, un carré avec un triangle au bout, là. Un pentagone? Ouais, ça serait la stratégie du pentagone. Diamond. Le diamond? Un diamond? C'est pas Umbrella? Non. Umbrella? C'est Umbrella. Non. Umbrella, c'est... Crash the net? Le diamond, c'est deux coups à gauche, c'est ta manette. Crash the net. Mais oui, ça, je pense que c'est Umbrella, parce que le gars, la défense, c'est le... C'est la poignée de l'umbrella, puis ils font ça. Umbrella en avant du... Fait que Chris Subban sa poignée, puis les autres dans le net. Exactement. Ouais. C'est ça. Moi, c'est ça, je pense qu'on devrait essayer. Ah, okay. ça donne, ça, ils l'ont fait l'année passée. T'as beaucoup de chance de perdre la puck sur le bord des bandes. Pendant deux semaines de temps, ils l'ont fait un petit peu. Mais faut que tu circules bien la rondelle, parce que la puck peut sortir sur le bord des bandes facile. Parce que ton gars au centre, la défense, il ira pas chercher d'un bord ou de l'autre. Les deux contre un sont dangereux. Surtout pour les Canadiens. Les gars, j'écoute parler, puis ils devraient vous engager. Vous avez trouvé la solution à soir, je pense. Ouais, mais on dit ça, mais on connaît pas les... T'sais. Ben on est pas là pendant les pratiques, puis voir les joueurs comme ils sont, puis dire que non, c'est pas possible qu'on fasse ça. Puis pendant qu'on dit ça, on boit de la bière. C'est que, ça. Mais tu sais, on est full. On jase, ouais. Là. Fait que sur ça, on va aller faire un refill de bière, on va aller faire un entracte, puis on vous revient pour la deuxième période. On est retour pour la deuxième période. Il a pas marché. Bois de la bière. Je pèse comme deux fois, en tout cas. Oui, tu vas en parler de Monday. Bon, ou on va juste le changer pour un iPad 4, là, quelque chose de genre. Ouh. Noël s'en vient, je dis ça aux fans qui nous écoutent. Fancy. OK. J'espère que ta mère est dans la gang. C'est à elle que je m'adresse. Justement. Maman, je te mets comme... C'est quoi ça déjà? C'est Julien Clerc. C'est Cœur de rocker. Ah ouais, drette ça. À quand un medley de la soirée du podcast sur Cœur de rocker? Je vous le demande comme ça, là. C'est que tu sais, non, une petite voix. Hein? Bon, dans les nouvelles du Canadien, André Markov est devenu le plus vieux défenseur dans l'uniforme du CH à amasser 5 points dans un match contre Buffalo. Bravo. Et... il est allé chercher la deuxième étoile la semaine. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est qui aurait pu le concurrencer, là, vraiment, là, Gunshaw, dans le plus vieux que lui, là, tu sais. Dans les fonds du Canadien, non, mais tu sais, mettons, il aurait pu avoir des vieux dans le temps. Genre Doug Harvey, là. Serge Chavard, Larry Robinson, il était là jusqu'à quel âge? Scherz. Ah, j'avoue, mais ouais, il est parti avant ça, me semble. Il est vieux pareil, Markov. Il arrive sur 40, là, bien vite. Là. 36. 36. 36. 36. C'est vrai qu'en anglais, ça a l'air plus officiel. 36. Quand t'as dit 36, j'ai fait comme ah, OK. Ça de la là, je te couais. On devrait podcaster en anglais, je pense. Live from the Young Media Studio, you're listening to Podcast Night in Canada. Podcast. C'est un peu l'équivalent de notre jeu de mots sur du podcast. Ça ferait trop Radio-Can, justement. Faudrait commencer par Don Cherry pour avoir des sautelettes là, à TV. Là. On a toutes des sautelettes. C'est de la merde. Ouais. il est né en 78. Michel Therrien a devancé Michel Bergeron dans la liste des entraîneurs ayant accumulé le plus de points dans la Ligue nationale avec 781 contre Buffalo, lui aussi. Gros match contre Buffalo. Ben des records de Ben des records. Mets ça dans le livre. Ben des histoires à raconter. Mets ça dans l'almanach des sports. On pourrait dire qu'on a vu ça. Ah ouais, t'as des affaires. Quand ben on va être vieux, t'appelles-tu quand t'es rien dépassé, Michel Bergeron? Qui est sur Michel? Michel Bergeron, hey, mais joueur. En montant ta chaise sur le bord des manches encore. Ouais, ouais. En se berçant sur le balcon avec une petite couverte en polar. Ouais. Ah, des pantoufles en fait. Dans une snuggie avec un petit porto 15 ans. Avec ta dosette, avec ta dosette de pilules, ses genoux. Ouais, avec les petits contenants en plastique par jour. On est quel jour aujourd'hui? Non, avec ta tête dans le pisème dans le dos. On est mardi, fuck, je suis rendu à mercredi, c'est mon affaire, merde. J'ai pas pris une pilule. Bon, bravo Michel. Pas vraiment bravo Michel. Il y a encore quelqu'un qui veut le coller dehors? Ben oui, Max Paiement. Oui, probablement. Il veut toujours le mettre dehors. Oh ben, à chaque game, même si on gagne 12-0. Non, mais il y en a un qui est sûr, c'est qu'il va finir par se faire mettre dehors. Ben oui, mais comme tous les coachs. Comme tous les coachs, dans le fond. Exact. C'est ça. Okay. Mais ça va être la journée qu'il va dire « Je vous l'avais dit! » Ouais, c'est ça. Genre dans 5 ans. Là, il va pouvoir braguer, genre « Vous, je l'avais déjà dit. »« Je l'avais callé, là, genre 5 ans. » En faisant chaîner ses bagues la coupe, comme Bergeron. C'est qui ça? Je sais pas, la bague de la coupe, la coupe mémoriale. La coupe mémoriale. Non, la. Sa bague de mariage. T'as-tu la grosse année de Michel Bergeron? Oui. Il n'y a pas de bague de grosse année. Ben non. Mais non. Ok, c'est une blague. C'est ses coupes de, c'est ses bagues de Coupe de Montréal. Jeff, championnat midget. Tu pas le pack là. Jeff, je retarde la groupe là. Ah, en fait, c'est plus comme une puck. Personne des Mighty Ducks. Moi, j'ai joué Mighty Ducks. Golden Bombay. D'accord. Des classiques de Bruno Blanchet de 1998. La fin du monde était 7h. On n'est pas vu pantoute. OK, il y a deux commentaires de Michel Therrien que j'ai en audio ici. Premièrement, en anglais, il y a un journaliste qui demande « Qu'est-ce que vous faites de bon sur le power play en ce moment? » Alors, on écoute ça. Et portez attention au rire de Michel Therrien. What are you guys doing right on the power play right now? Score goals. Like that. No. More seriously, I think we're moving the puck a lot more. We're a lot more aggressive than that. And with the aggressiveness to the net, you know, give us opportunity to score and we capitalize on it. Malaise. Des téléphones qui sonnent. Ouais, hey, le, c'est nouveau ça, ce rire-là de Therrien. Ouais, c'est ça, c'est comme son rire, genre je fais une joke, mais là, moi je la ris parce qu'il n'y a pas grand monde qui va rire à part moi. Ouais, we're scoring goals. Un rire de coup de poulet. Moi, c'est quand il parle au micro, Therrien, dans un temps comme. Écoutez son super au début en plus. Moi, j'entends son super. Score goals. Score goals. Après ça, man, c'est même trop okay. Malade. Aussi. What are you guys doing right on the power play right now? Score goals. No. Est-ce que tu dirais gras, genre? Un rire de Saint-Hubert. Un rire de la sauce Saint-Hubert dans la gorge, un peu. Là. Ouais, soit ça, ou genre, il vient de se taper genre, des crottes de fromage, puis il a besoin de boire quelque chose. Ah non, c'est vraiment un rire. Non, pas des. Un cop de sauce. Ouais, là, c'est ça, là. Mais le cop au complet. Là, le cop au complet. Lui, il en prend un en extra pour le faire. Il a mangé le cop. C'est genre du Benny. Le gros, le 12 onces. C'est lui que je m'appelle. La tasse de sauce. Tasse de sauce. C'est bon. J'aime ça faire ça. C'est bon. Moi, chez Benny, je suis comme pas capable d'aller. Mais ça, ça fait son temps. C'est un mec qui a les artères bouchées. Je dis déjà. Juste les pilules. On se commande-tu du 249? Ouais, c'est un cop de sauce 249. Non, mais. Ça, c'est le poulet pour te faire. Chier toute la nuit. C'était bon ce poulet. Ah, sti. Alors, c'était pour les locaux de Saint-Jean, ah. ce là. Poulet de hey, ça existe ça encore? Ouais, Frontenac. Ça existe encore. C'est la rue Frontenac, toujours yeah. Ouvert. Toujours une petite affiche, tu sais. À côté de l'école, en face d'un marchand. Deuxième extrait de Therrien, il s'est fait demander ce qu'il pensait des voyages dans l'Ouest. Ou, je ne sais pas si c'est quoi la question, mais il parle des voyages dans l'Ouest. Alors, voilà. C'est toujours excitant d'aller dans l'Ouest, je pense que. Les joueurs apprécient le support qu'on a à travers le pays. Et on est attendu chaleureusement. Donc, ça commence à Vancouver lors de notre premier match. Est-ce que ça rend ce voyage-là plus facile pour une équipe comme la vôtre? Quand vous allez là-bas et vous savez que vous êtes accueilli. Facile, c'est un grand mot. Non, mais je pose la question. Je ne pense pas que c'est facile. Et voilà. Je pense que ce n'est pas si facile que ça. Là. Okay. Facile assis là. Oui. Le Corléans. Facile assis là. Facile assis là. Tu vois, c'est dans la même entrevue. C'était sa journée, son rire gras. Il avait vraiment fini son cop de Saint-Hubert. Ouais, c'est sûr qu'il l'a vu au complet. Non, mais il était à Vancouver. Ils n'ont pas de Saint-Hubert. Comme tu sais, la bave blanche dans le fond de la gorge. C'était sûrement un cop de sauce de PFK. Non, mais ils ont des fans en Ostie, par exemple. Edmonton, tout. Puis Calgary aussi. Non, mais c'est fou, man, quand il y a des fans. C'est comme les Yankees. Hier, là, pour les Oilers, là. Tu regardais dans la foule, puis c'était quasiment moitié rouge. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est comme les Yankees, ils ont des fans partout. Ouais, c'est... Ouais, c'est ouais, mais dans l'Ouest canadien, il y a beaucoup de fans du Canadien ouais. Parce qu'il y a beaucoup de Québécois. Ouais. Hein, fait. Surtout Edmonton, dans ce coin-là, il y a un gros secteur. Edmonton, il y a un gros secteur francophone québécois. Les Sables-Bitumine. On travaille dans les Sables-Bitumine. À côté d'Edmonton. C'est tout ce que j'avais en deuxième période. Bon, OK. Non, non, pour vrai. Puis à soir, ils jouent contre les les Flames de Calgary. Contre Bob Bartley. Contre les Cowboys. Contre Bartley. On se met un petit extrait de Bartley. Bartley. Non, ta bague de la Coupe Stanley, elle m'en a pas. Tu vas te convaincre, Chris, toi. Toi, là, bon joueur, ferme ta gueule. Non, mais moi, je vais pas parler. Toi, tu vas fermer ta gueule. Ferme ta gueule. Qu'est-ce que t'as fait dans la vie? Non. Non. Qu'est-ce que t'as fait, toi? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas toi, hein? Non, toi, job. Toi, toi, mais Calgary, le sérieux, là. Je pense à ça, puis le Saddle Dome, là. Il est en tabarnak, cette aréna-là, man. Le Saddle Dome. C'est vieux que le Calais, cette aréna-là. Hein? C'est vieux, ça. C'est laid en tabarnak, ça a l'air d'un... Ça a l'air d'un bunker dehors, tout en métal, là, avec des... Ouais, oh, il y a des hublots. Ouais, c'est ça. Il n'a pas été aussi beau que le centre Vidéotron, le centre le plus beau dans l'univers. Il y a du bois. Je sais pas, c'est commentaire de Régis Labonde. Ah, ça. Ah. Régis, ah, c'est comme un Régis, il est détecteur bandé de métal. Ben, reste que c'est quand même un bel amphithéâtre, je trouve. Là, ah, mais ça, c'est fait en bois. Mais si vieux sénile. Il est ça, pas fait en bois. Labonde faisait. Non, elle tremblait. Il faudrait pas lancer une cigarette genre dans l'aréna. Il y a du bois. C'est vrai, la glace fondrait. Non, mais c'est non, mais... Pour les remparts, imagine, ce serait pas drôle. Qu'il y a un bel aréna de même. Roller hockey. Un bel aréna de même, pas d'équipe. Ça n'a pas grand-chose, un bel aréna, pas d'équipe, effectivement. Mais ils ont les remparts. Hey! Les remparts, tu vas voir, ils vont changer de place en Nosti s'il y a des Nordiques qui reviennent. Ah, ils vont partager la glace. Moitié-moitié? Mais non, je sais pas, je m'en connais. Moi, sérieusement, j'espère juste qu'il va y avoir une équipe, je m'en fous du reste. Mais j'aimerais qu'on jase un peu de Carey Price, là, qui connaît un très bon début de saison. Il y a eu des commentaires sur lui cette semaine. Tout d'abord, il y a Ken Hitchcock qui a dit que Price est mauvais pour la Ligue parce qu'il est trop bon. Aïe, lui, il est mauvais pour la Ligue parce qu'il est trop con. Est moi, je trouve que c'est un compliment, ça. Mais ouais, c'est un compliment pour Carey Price, compliment, mais c'est un commentaire de frustré. That's là, de weird. Débat, là. Mais tu dirais ça de Crosby ou de McDavid? Non, genre, il est même trop bon pour la Ligue. Ça non, lui il fait comme à sec. Quand on joue contre eux autres, dans le fond, tu perds déjà 1-0 ou 2-0 à cause de son aura. C'est quoi, là? Pourquoi c'est mauvais pour la Ligue? C'est pas mauvais pour la Ligue. C'est pas bon pour ton équipe parce que tu gagnes. Ouais, c'est bon pour la Ligue d'avoir une vedette de même. Si t'avais Carey Price dans tes rangs, tu dirais autres... pas ce commentaire-là. Non, mais je pense qu'eux autres, ils veulent dire, c'est plus dans le sens que... C'est pas que... fair, genre? Non, pas que c'est pas fair. Il y a moins de buts. Il trouve ça... Non, ils trouvent ça... Pas rien que ça, c'est que le meilleur joueur de la Ligue nationale, je pense que ce qu'il veut dire un peu par là, c'est que ça soit un goaler. Que le meilleur joueur de la Ligue nationale, ça serait pas mal plus intéressant que ce soit comme un joueur à l'attaque, que quelqu'un qui vole le show. Je suis pas d'accord, mais c'est la marque. Un esti de beau save, c'est spectaculaire. Non, mais je comprends. Non, mais ça se décide pas, ça. Oui, je veux dire, le gars, il a du talent, il brûle la Ligue. C'est juste que c'est les fans du Canadien qui vont l'apprécier. Comparé que, mettons, comme Crosby ou whatever, que tous les fans aiment ça le voir jouer. Nous autres, ouais, mais on apprécie tout le temps le parce joueur. Parce que quand tu es un meilleur joueur, c'est un goaler, ton équipe perd tout le temps. Si t'es un fan de hockey. Comme à sec, on l'aissait toutes, là. Ouais, mais on aimait le voir jouer pareil. Ouais, mais je l'aimais pas parce que j'aimais pas son style. J'ai jamais aimé les styles de goaler comme ça, vraiment. Tu sais, je veux dire, je suis pas un fan bastard de ce genre de gardien-là. Tu sais, on s'entend que Carey Price, il... À l'opposé complètement de ça. Là. C'est Hachek était très loqueux. Price est très solide. Mais ouais, mais loqueux, en même temps, il faisait sa chance à Hachek. Chris, il se pitchait partout. Il stoppe de fucking puck. Ouais. C'est une technique qui marche un goaler sur mille. J'aimais pas son style, mais je peux pas y enlever son talent. Il faisait n'importe quoi, mais ça marchait. Il a été unique. Tu verras jamais un goaler vouloir se débarrasser de son bâton pour faire un save. Yeah. Mais lui, ouais, il faisait... Hachek, là, il avait son bâton, tac, à un moment donné, là, il lâchait ou il ne veut pas récupérer, il s'en collait, le kickait, il l'envoyait, puis il était mieux pas de bâton. Là. Puis tu verras jamais ça, un goaler qui n'a pas de stick. Un goaler qui n'a pas de stick, il perd comme son balance, son point d'appui. Ben, c'est parce qu'il manque de langue. Plus de même, tout à mieux qu'Ed Belfort qui te le soignait dans les genoux, son bâton, là, lui. Là. Ouais, mais lui, il était hot en Chris. Moi, je l'aimais. C'était dans les Hawks, là, ouais. Ed Belfort, là, wow. Ouais, Belfort, c'était bon. Cool en Chris. Grand Fury. Grand Fury, mais il y a eu plein. Grand Fury, c'est un nasty goaler. Ouais, un autre commentaire qu'il y a eu sur Price, c'est Steve Ott. Ah, lui, c'est... Oh. Un épais. Qui a dit que le système de défense du CH, c'était Carey Price. J'ai l'extrait aux yeux de ça. Ah, vas-y, man. C'est en anglais, on va le mettre, ça dure 30 secondes. Quel taré. Thoughts, too, on trying to get around the system of the Montreal Canadiens. Are they a better defensive team than maybe you even thought going into this game? Panger, I wish I could agree with you, but absolutely not. Their defensive system is Carey Price. This guy's the best goalie... I think, let alone player. I think he's the best player in the game right now. I don't even know where they would be in the standings without that guy, and that's no knock on their team. They play a very fast game, but you know what? They rely on Carey Price. I mean, we could have had six goals easily with the amount of quality chances we had tonight. Mais attends un peu, il a quand même donné des props à Carey pour ce qui est. Price est le meilleur goaler, le meilleur joueur de la ligue. Il a pas tort sur certains points, mais de là à dire que leur défense, c'est Carey Price. Surtout avec Subban, Markov, Petrie. Ouais, mais attends, ça, c'est un peu. On a une hostie de bonne défense, je m'excuse, mais on a une des bonnes défenses dans la ligue. Sinon, la meilleure. Si t'arrives, ouais, mais. On a la meilleure défense. Price n'est pas là pour un mois. On a quand même la meilleure défense. On a quand même une bonne défense. Moi, je pense qu'on a la meilleure défense. Non, non, je ne parle pas de la défense. Okay, Price n'est pas là pour un mois. OK, notre problème. Les stats, tu penses qu'on va scroller quand même? Oui, pourquoi? Pourquoi qu'on va scroller down? Parce qu'on n'a pas d'attaque. Ah, je suis plus sûr que c'est ça cette année. En tout cas, on va voir. Moi, je te dis. 3-0, 4-3-7-5. C'est quoi, dans les premiers matchs, on avait quoi? Une moyenne de 3,59 buts. Une moyenne de 32,5 lancés. On est en début de saison. L'année passée, on n'a pas ce début de saison-là. Peut-être pas, mais on est quand même en début. Je trouve qu'il est trop tôt pour commencer à dire qu'on va avoir une saison de 3,5 buts par game. Mais Price, s'il te le manque pendant 3 semaines, 1 mois, n'importe où dans la saison. On va perdre. Check bien tes stats, par exemple. On ne les perdra pas toutes. Oui, on va en perdre. Ils vont descendre. Il y a la loi de la moyenne, mais tu n'auras pas... Au classement, tu ne seras pas positionné comme... Qui va succéder à... Premier? Comme premier? Premier ou dans le top 3, mettons. On pourrait dire la même affaire de plein d'équipes qui ont des gardiens numéro 1. Sauf que je pense qu'on maintiendrait quand même. Ouais, mais Price, c'est vraiment machine. Ouais, mais enlève Bishop au Lightning. Enlève Crawford au Blackhawks. Ils vont descendre en calice. Enlève tous les goalers numéro 1 de chaque équipe. Ben, ça dépend, ça. Camden préfère un esti de surprise. Ben ouais, c'est ça. Tu sais, puis Ottawa l'a vu avec Hamburglar. Le Hamburglar. Grosse douceur. L'éphémère. Y a-tu gagné son match finalement qu'il a joué cette année? Qui ça? Pas, man. On s'en calise. Lui, c'était un ballon. Hamburglar. Il a joué une game. Je suis ça, moi, les matchs d'Ottawa. Il est pas blessé, c'était quand même. Parce que c'est le seul match qu'il joue à RDS quand c'est pas le Canadien. I don't watch that. Non, c'est pas Canadien. Non, moi, mais moi je te dis, en tout cas, avec Camden comme deuxième goaler qui joue steady à tous les soirs, là. À long terme, ça marchera pas. Mais je te dis, à un mois, je pense qu'on est quand même resté dans. On est capable de jouer pour 500 facile. Une fiche à 500 facile, je dirais de ça. Ouais, facile, ouais. Puis, avec la défense qu'on a, je pense que oui. Si Price is blessé, on a une bonne attaque cette année. On a meilleure attaque les années passées. Oui, mais je me garde quand même une réserve parce qu'on a quand même juste 12 games de jouer. On a eu un super bon début de saison. Un début de saison historique qu'on va mettre dans le livre des records. Mettons-le dans l'almanach maintenant. On n'a rien battu. OK? Mais on est quand même juste à 12 games de jouer. C'est plus que 10% de l'année. Puis peut-être, puis là-dessus, t'as une grosse production offensive, la quatrième ligne que t'avais pas l'année passée avec Malotra. Qui est un nested bonus qui produiront sûrement pas à ce rythme-là toute l'année. Mais sérieusement, le fait. Ben, le fait you don't know. Non, je suis d'accord. You don't know, mais. On s'entend que les chances sont pas c'est là. Pas standard là. Je comprends. C'est pas standard parce qu'ils se produisent comme un deuxième trio là. Tu sais ben là wow, là. Ben oui. Ben ça c'est à cause que Galchenyuk est au centre. Non mais c'est à cause que Galchenyuk joue avec Heller puis Semin. Non mais le fait par exemple que Galchenyuk est au centre, c'est sa responsabilité de centre. Ben oui, tabarnak, il peut pas jouer pour ses joueurs asti. Ouais, mais le fait que Galchenyuk soit au centre là, je veux dire ça répartit quand même ton power au centre là, tu sais que dernier c'est trop sa troisième position. Moi là Galchenyuk, je pense que c'est moi Galchenyuk. Calisse-moi Galchenyuk au centre de Pacioretty puis de Gallagher, man. Check les bien joueurs. Qui ça? Galchenyuk. Check bien ça aller, man. Check les autres trios après ça, par exemple. J'aimerais souligner. Ben, honnêtement, je mettrais. Moi, à part. Moi, tu remanierais les trios. Ça va sûrement arriver. Premier trio de qui? Il y a un but. C'est Wiz a scoré. Oh! Direct. Moi, là, honnêtement, premier trio, je verrais très bien Galchenyuk au centre de Pacioretty puis Gallagher. Après ça, je ferais des duos. Je mettrais Plekanec avec Fleischmann, puis je mettrais... Mais non, tu pètes pas Desharnais, Fleischmann. Je mettrais Desharnais avec Heller. Ouais, Mais non, on fait pas ça. Mais non, ça marche super bien. Mais mets Plekanec avec Heller, au pire. Non, tu peux juste changer la première et deuxième ligne. Moi, j'aime le trio Desharnais, man. Le trio Desharnais, moi non plus, je toucherais pas. Je suis d'accord, mais j'essayais juste de faire genre comme de quoi de logique, là. Mais oui, OK, au pire, mets Plekanec avec Heller, je m'en calisse. Mais moi, je mettrais Galchenyuk au centre de Gallagher puis Pacioretty. C'est sûr que c'est là qu'il devrait être, selon moi. Ah, mais c'est parce que ton punch est mal réparti, là. Ton punch est pas mal réparti. Ça revient, c'est un change pour change, là. Mais oublie pas que là, Galchenyuk jouerait contre les meilleurs trios et tout. Là. Mais c'est parce que présentement, ça lui donne l'espace de pas jouer contre les meilleurs. Ouais, mais Blake Canek, il va donner le puck à qui? Joue contre les meilleurs trios. Ouais, de ce temps-ci. Comment tu dis ça? À domicile. C'est la comment t'as dit ça? Ton Plekanec, il donnerait le puck à qui? À Heller, puis à... Ça à fois. Et ton Galchenyuk va donner la puck à qui? À Heller ou à Semen? Ça revient au même, là. C'est un change pour change, d'où? Ça marchera pas en tout. Pourquoi ça marche pas avec Galchenyuk? Parce qu'il est avec Heller, puis l'autre, Train Savasse. Parce que... Ouais, c'est un... Moi, je pense que c'est un meilleur match un change... Galchenyuk et Heller là, que Blake Canek. Je vois pas la différence, honnêtement. Moi, je pense que t'étais mieux de garder chose de Plecky avec Pacioretty. Ils ont tout le temps bien produit ensemble. Moi, je trouve que c'est le risque que tu prends. Mais si à un moment donné, il tombe en panne, c'est sûr que Galchenyuk cette année va monter cette ligne-là puis Plecky va descendre. C'est sûr qu'il y aura un moment que ça va arriver. Puis c'est ça, c'est au début du donné que là, OK, il sera pas contre les meilleurs défenseurs, Galchenyuk, parce que le premier trio va être contre les meilleurs défenseurs de l'autre équipe. Parce que ça répartit plus ton punch. Ça répartit plus ton punch. Ça revient au même. Non, parce que t'affaiblis ta ligne de mettre Plekanec avec Heller. Je vois pas où ça t'affaiblit. T'affaiblis la ligne numéro 1. Ben non, parce que Plekanec, c'est pas un de nos meilleurs joueurs. Ouais, mais Plekanec, c'est pas un gars créatif. Donc si tu le mets avec sur une autre ligne, ça revient qu'il est. Ouais, mais Dave, Plekanec, c'est pas un gars créatif comme Galchenyuk. C'est pas un bon manieur de puck comme Galchenyuk. Puis Galchenyuk, lui, il est plus capable de trouver les opportunités. Il est plus intelligent que Galchenyuk. Si tu veux un gars créatif qui va faire produire ton scoreur numéro 1. Ben, Chris Galchenyuk dans les mains, puis man. Ouais, check en power play. Check bien les power play. N'importe où, man. En power play, mais je pense que t'es mieux de regarder. En power play, en désavantage, chez la glace, dans le vestiaire, man. Est-ce-tu dans la chambre d'hôtel, n'importe où, au McDo, man, au bar. Envoyez-moi-en deux, au Fly Gin. Moi, je pense que Jeff a une opinion parce qu'il arrête pas de rire depuis tantôt dans sa barbe. Ridon dans ta barbe. Oh, je veux juste dire qu'on était pas bien. Jeff, t'es tranquille, t'as-tu des calottes qui mijotent? Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, qu'est-ce qui se passe? T'as-tu mal au ventre, t'as-tu? La période se termine dans quelques secondes. Ben, dans 3 secondes, 2, 1, là. T'as-tu passé tous tes points? Oui. J'avais juste une affaire. On parle tout de ça. Ouais, ça a l'air délicat. Tweet de journaliste, on l'a pas fait encore cette année. Jeff sort son doigt. Quand même, le troisième. Non, mais je vais juste dire une affaire. Mathias Brunet a écrit un article après la première défaite du CH, puis un article genre super ironique disant qu'est-ce que tu veux faire? On échange Price, Subban est poche, Markov est trop vieux. T'es payé pour faire ça, lui, hein? Ouais, pis il y a pas. À la fin de ton article, il y avait. Attends, recommence ça, j'ai manqué le. Il est payé pour écrire un article. J'ai pas compris. Mathias Brunet, le mangeur de pain, là. Ouais. Il y a écrit un article dans la presse après la défaite du CH. Il a dit. Bon, il a écrit comme un fait fan, tu sais. Price est rendu poche, on l'échange. Subban, il fait n'importe quoi. Markov est trop vieux. Pis jamais dans son texte, à la fin, il disait c'était de l'ironie ou whatever. Il fait comme. Après ça, il va écrire un tweet en disant. Il peut écrire sur l'impact comme il veut parce qu'il peut vraiment s'exprimer avec son cœur de fan contrairement au hockey. Tabarnak, Brunet, c'est quoi ton problème? Il est payé, man. T'es payé pour écrire des articles sur le Canadien Montréal puis tu viens faire de la marque. C'est quoi, genre, c'est ta job? C'est quoi son mais point? Ça, c'est comme Régent Tremblay. Non, mais je comprenais pas son point de faire un article dans la presse. T'es payé pour ça puis tu t'amènes rien pendant tout. Là. C'est un article vide, là. C'est quand même. Il n'y a rien à dire, tabarnak. Mais pourquoi la presse a imprimé ça? C'est pas la presse qui a imprimé, c'est son blog. C'est son blog? Ah, mais c'est sur le site de la presse. Ouais mais il n'y a rien à dire, c'est Montréal. Mais si t'as rien à dire, tu fermes ta calisse de hier. Ouais, ouais. J'ai un article. Ouais, parce non, que là. Non, c'est parce que c'est. Je peux pas croire, Marc, qu'il y a pas un call-out général. Ils sont même les rires du monde, genre des Québécois qui sont comme. Oui, mais on a perdu une game, Masti, Fire, t'as rien. Mais si tu fais ça, tu le dis au début ou à la fin que c'est un article ironique, puis tu fais un point par rapport à ça, tu fais pas juste. Ah, mais Chris, non, c'est parce que j'imagine qu'il. Selon moi, je pense que ce gars-là s'imagine bien que. Le monde qui lit vont être assez intelligents pour comprendre que il s'est mis dans les chaussures. J'ai compris. J'ai juste pas compris le sais, point mais... de faire un article payé pour ça. Tu veux dire, t'écris ça. Il y a mille affaires à parler sur CH. Ça sur un petit sûr, Montréal blog ou whatever. Ouais. Mais là, ça, c'est supposé être un journal sérieux. Puis t'es payé, genre, quand même plus d'argent, je pense, que tous nous autres pour faire ça. Là. Probablement. Ouais. Tu peux voyager avec l'équipe, tu peux. C'est carrément, tu fais ça, c'est carrément man, une opinion, ça, là. Fuck, c'est une opinion de dire ça par rapport aux fans. Après ça, il va tweeter qu'il n'a pas le droit de dire son opinion au hockey. Moi, je sais pas, j'ai pas lu l'article. La manette, tu me disais, je pensais que c'était ça qu'il voulait. Mais je l'ai pas lu. Ben, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est... Ouais. Tu peux dire ton opinion, mais ça, c'est rire du monde. Il a écrit du vent, là. Jeff, veux-tu faire un call-out? Ah ouais, là, j'en profite. Brunet, mon hostie, toi qui se crie du lepsil sa gueule en mangeant du pain, là. Femme ta gueule, ton commentaire, on s'en calisse. Tu te prends pour un bon parent, asti, mais tes conseils au hockey, là, personne ne les comprend avec tes astis de mots d'intellectuel. Change ton asti d'image, calisse. Son image qui a l'air il est collé d'une bibliothèque, là, puis il y a des petites lunettes. Ben ouais, avec tes astuces VHS, tabarnak. Ça rentre pas dans un DVD des VHS, ça c'est épais. Non, c'est vrai, j'ai remarqué ça sa photo Twitter. Ouais. Il y avait des VHS encore Titanic, puis genre. Titanic. La légende des bois, puis. La légende des bois, peut-être à son chalet. Des points de coude, puis let's go. Mais pour de vrai, là, ce que j'ai remarqué, là, un peu un bout, les journalistes à Montréal, ils ont vraiment chacun leur gimmick. Ouais, ouais, c'est vrai. Ben ouais, il faut que je trouve ma niche, tu sais, dans parce qu'il y en a tellement. Tu sais, moi, je vais faire ça. Tu sais, même sûrement, peut-être qu'ils croient même pas. Là. Un des pays, c'est Jérémy Filosa. Mais ça, c'est ma niche. Tu sais, moi, là, mes lecteurs, là, ça, même si même je crois même pas que j'écris, c'est lui qui est mandé. C'est mon personnage. Ouais. C'est rendu des personnages, tu sais, à Montréal. Ben, exactement. Ouais, c'est vrai de ça, Alex. C'est vrai ce que je voulais amener le point. C'est que c'est des gimmicks, là. C'est des gimmicks. C'est comment? Ben, moi, il faut choisir, genre. Critique de telle affaire. Pour moi, un journaliste, ça ramène des nouvelles, ça fait des analyses d'affaires qui sont vraies. Ça, c'est des columnistes. Là. Non. Ben, même les journalistes à Star. C'est des columnistes, eux autres. Là, les vrais journalistes, c'est ceux que Mathias tu connais Brunet, pas dans le Journal de Montréal qui rapporte les stats. C'est ceux-là que tu connais pas là, dans le Journal de Montréal qui rapporte les stats, qui ont le petit article. Là, c'est pas de la game. Ils écrivent la game. Ça, c'est ceux qui n'ont pas de gimmick. Mais tous ceux que tu connais là, qui sont à RDS dans le Journal de Montréal, la presse... S'ils donnent leur opinion comme mardi, ben Brunet, bon, viens pas faire un tweet après en chiolant sur l'impact en disant « Au moins, je peux dire mes vraies affaires comme de mon cœur. » Tu l'as fait dans ton article sur le CH Calis. C'est les journalistes vedettes, là. Ben, le pire journaliste vedette, c'est Philo. Ils ont des crises de gros égaux, Steve. Ça porte tout du Steve Madden, là, Steve, de refermer leur gueule. Moi, quand je veux lire un article sur le sport, je vais apprendre de quoi sur le sport. Je veux pas savoir ce qu'ils pensent puis ce qu'il a chié la veille, là. Je m'en calisse. Explique-moi pourquoi que Subban, ses cheveux dépeignent pas quand elle lève son casque. Explique-moi ça, le reste, on s'en balance. Ben là, parce qu'il est noir, ben là, ont des cheveux. Tu te vois tremblante un peu. Ah, il est bon de pâté. Ben, shake, j'ai soif. C'est vraiment en troisième, il va avoir beaucoup de plus de cordes. Alors, on va aller faire J'ai soif, mais crisse-moi ta bière. Moi, je m'intéresse tellement à ce qui se passe à la glace, puis... Mais faut vraiment pas que tes écoutes. Mais moi, sérieusement, j'aime regarder une game de hockey. Dans un article, il y a 90% de bullshit. J'écoute pas, puis je lis pas les joueurs. Moi, c'est ce que j'écoute. En général, je les lis pas. Moi, j'écoute ce que les joueurs disent après la game, les genres d'écoute. Les commentaires, tu sais, à Fred, tout de suite après la game live, souvent, c'est 98.5 qui passe tout le temps. Le gars, il fait le tour de la chambre. Pas coupé. Pas coupé. C'est pas... T'entends tout. T'entends tout. T'as l'émotion live après la game. Moi, c'est ça que j'aime. Sauf que vous pouvez jouer une cassette un peu. L'opinion de l'autre. Ben oui, mais ils n'ont pas le choix. Ça fait partie de la game. Ouais, c'est comme un exemple. T'as montré à quel point ils sont épais. Richard Labbé, à un moment donné... Lui, je suis plus capable. Lui, c'est le hater du Canadien. C'est ça. Lui, sa gimmick, c'est... Je critique n'importe quoi du Canadien. Tout le temps, man. Twitter, c'est juste ça, man. Il a raison. Puis à un moment donné, là, pendant notre séquence victorieuse, il dit l'équipe de Brian Flynn. Ouais, il est fou, man. Où tu vas en venir? C'est des niaiseries. C'est Twitter, ce gars-là, man. Je veux le prend pour les Cowboys de Dallas, esti. Qu'est-ce qu'on gagne, les Cowboys de Dallas, depuis 20 ans? Mais non, Tony Rameau, là, on s'en calisse dessus. This is not fucking football. Ouais, mais c'est un monde-là. Il y a bien du monde. Toi, t'as un bout que t'aimes pas de lui. Puis c'est un monde. Il y a bien du monde qui vont le lire. Pis l'aime parce que tu sais, il y a des fans du Canadien qui veulent juste critiquer le Canadien. Richard Labbé, le premier powerplay de l'année, là, il a dit comment le powerplay marche pas du Canadien. Puis je pour de vrai, sur Twitter, j'ai dit comment, hey, Chris, relax. C'est le premier powerplay officiel de l'année, man. Mais il avait raison. Puis tu vois, ouais, ok. Mais calisse, non, mais je veux dire, c'est des niaiseries. Là, je pense que ça allait être des niaiseries. Non, mais calisse. Tu sais, il y en a plein qui vont aimer ça parce qu'ils veulent pas. J'en connais, moi, des fans de même du Canadien qui aiment juste critiquer le Canadien, même si. Ah ouais, c'est chaque game. C'est sûr qu'ils sortent en série. Toujours quelque chose parce qu'après ça, si ça va pas bien, au moins, ils ont un out, dire comme je veux. Ouais, mais finalement. Ouais, mais finalement, Richard l'avait. Au bout de 10-12 games, là, ben, il n'est pas dans le champ. Ce coup-là, il a eu raison. Mais il y a plein d'autres calls, les packs, il n'y a vraiment pas raison. Ouais, non, mais tu sais, en faisant ça, c'est sûr que tu vas avoir raison des fois. Mais... Puis si t'as tort, t'as gagné quand même. Je pense que ouais, mais c'est parce que là-dedans, tu sais, nous autres, il y a certaines affaires que des fois, on va faire comme « Ah, c'est ça, je suis pas d'accord. » Puis ça, c'est cave, qu'est-ce qu'il dit là, c'est inutile. Puis il y a du monde, peut-être, qui pensent comme lui aussi. Qui font comme c'est sûr, que oui. C'est ça, j'ai dit, il y en a, là. Il rejoint du monde, il en éloigne d'autres. Je veux dire, c'est le comme... point que je voulais amener là-dessus, c'est que quand tu es un journaliste, je veux que tu me fasses des critiques de journalistes et pas des opinions de merde puis des mais attends un peu. C'est des columnistes, c'est pas des journalistes. Ils sont payés pour écrire. Ouais, mais viens pas me dire après ça que t'as pas le droit de dire ton opinion sur le Canadien quand tu viens de la donner, Chris. Là, mais pourquoi qu'il y a un journaliste, pourquoi pas un journaliste, il y a pas un journaliste qui est comme. Ils ont tous peur de dire que c'est des fans du Canadien. Ils n'ont pas le droit, hein. Ils veulent ben, pas. Il faut qu'ils restent neutres. Non, ouais, ils restent pas ouais, neutres. Ouais, mais t'as pas le droit de cheerer. On n'est pas neutres, nous autres. Puis Chris, on est quand même de dire quelque chose de constructif des fois. Nous autres, on a carte de blanc. Ouais, mais. Non, c'est pas ça. Faut que tu sois neutre. Faut que tu sois neutre, c'est une galerie de presse. Mais ils sont pas neutres. T'as pas le droit de cheerer. T'as pas le droit de faire aucun signe de victoire. Il y en a qui sont pas neutres, ils sont négatifs parce qu'ils ont peur de se faire dire que c'est des fans. Ouais, mais c'est peut-être du monde. C'est comme le contraire, il arrive. Puis là, lui, l'abbé, mettons, il est trop. Tu sais, il va de l'autre bord. Il est tout en négatif. Moi, je préfère être objectif. Les anglophones, ils ont pas ce problème. Et les soir, là, non, Tony Marinaro, il n'y a pas ça pendant tout, tu penses, toi? Ah non, mais on parle de l'impact hier, puis il capotait, il branlait. Ah ouais, mais il a été essoufflé ici en allant aller à la cloche pendant deux coups. Non, non, mais ça, c'en est un qui part tout le temps ses ronds de chapeau. Ouais, mais là, ça, c'est un gars de chapeau. Mais ça, encore là, ça, c'en est un qui fait partie des personnages. C'est un médiaglophone. On parle, mettons, les journalistes de la Gazette. Ah, ils n'ont pas de problème. Vieux, là. Non, Patéki est correct. Ouais. Et c'est bon, le vieux, comment il s'appelle, l'autre, là, qui est, ça fait genre, ça fait 60 ans qu'il est là. Il a pris sa retraite, lui. Patéki? Non, il y en avait un autre. Dave Stubb. Ah, il a pris sa. Ouais, Dave Stubb. Ben, Dave Stubb, il était bon. Moi, j'aime ça. Il était rough sur des commentaires, des fois, puis il était comme. Mais il est quand même. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Il est quand même beaucoup plus nerd que les journalistes québécois. Mais en tout cas, Brunet, Québécois, mange-moi le pain. Non, mais tant qu'à faire un article, fais-moi un coup de constructif ou amène-moi de quoi. J'ai lu ton article, je veux arriver à la fin puis me dire, ah, il a raison, il a pas raison. Là, j'étais comme. Tabarnak, c'est quoi ça? J'ai lu 4 paragraphes qui avaient rien. Ce qui va être constructif pour toi, il pourront jamais plaire à tout le monde. On pourrait faire une émission là-dessus. Ah non, mais moi, là, je vais dire. Il pourront jamais plaire à tout le monde parce que c'est une opinion. Non, mais je voulais être en désaccord ou en accord avec son opinion. Il a pas donné d'opinion, il a juste dit comme les fans parlent. C'est vide. Moi, je vais dire. T'as été payé pour rien dire. Je vais dire ça n'a aucun rapport, son je dire, mange-moi pain, mange-moi le pain avec de l'huile d'olive puis du vinaigre balsamique. Le pain partagé? Ouais. Alors voilà. La maillot va arriver plus tard. Alors, sur ça, on va aller faire une deuxième attaque pour ouvrir la troisième période. On est retour pour la troisième période. Calisse! Et c'est maintenant le temps de faire le tour de la Ligue nationale. Around the NHL. Avec ta voix sexy. Oh ouais. Il y a comme, des zones sur l'iPad que faut que je pèse plus fort. C'est vraiment weird. Around the NHL. Je suis brûlé. Around the NHL. Cette semaine, le Around the NHL a été. Un petit oiseau avec ta maman. Peux-tu laisser Jean-François parler, s'il vous plaît? C'est ce qu'on fait. Le pacing show, les gars, le pacing show. C'est pas parce qu'on l'écoute pas qu'on l'écoute. Tout est comme rendu. C'est pas parce qu'on l'écoute pas qu'on l'écoute pas. Le président de la Chambre des communes, c'est-tu, là? Ouais, c'est ça, je vais faire. On m'a levé de bout. On m'a levé de bout, les quatre jeunes en avance de bout. À lui, une vraie dire à un moment donné, comme s'il vous plaît, vos calices de gueule. Ouais, tellement, c'est une petite king de bébé. Pas de discipline. C'est-tu. Bon, ça y est, Mort, t'as rien de mourir. Toi, je suis un jeune monsieur. Non, je pense que vous finissez votre bière si quelqu'un meurt. C'est correct, Mort? Yeah! Alors... Alright, j'ai parti un trend. Pleure pas, là. Alors. Prochain show, c'est Manette qui s'étouffe. Ça, c'est dimanche prochain, le Valve devant le monde. C'est, ça marche dans l'ordre des aiguilles d'un monde. C'est l'ordre anti-horaire. Anti-horaire. Parlant d'anti-horaire, oublie pas de reculer l'heure en fin de semaine. Oui. C'est comme les petits calices de jus de chocolat là, de la Snickers, ça pogne dans la gorge. Hein, le jus de chocolat de la Snickers. On est rendu en zone tampon de la jasette. Ça, c'est comme le jus de caramel, genre quand tu parles de caramel. Il est comme tout à trop. Ouais, d'ailleurs, ce soir, c'est double feature de podcast. Alors, on enregistre la jasette épisode 38 après l'épisode pendant que Dave mastique son caramel mou. Ardemment son caramel mou. On peut-tu laisser monsieur parler, là? Cette semaine. S'il vous plaît. Cette semaine, le Around the NHL a été rempli par JF Mallette parce que j'avais rien fait. Merci, JF. Ah ouais, qu'est-ce que tu as concocté comme sujet, JF Mallette? Alors, on y va comme ça. Ben, je vais les donner, puis JF aura les informations complémentaires. Soyez le 9 avec la petite barre en dessous. Vincent Lecavalier pourrait devenir le premier joueur à se faire racheter son contrat ça, deux fois. Vrai. On s'en calisse. Il a joué sa première game cette semaine, right? Pire, c'est ça. Wow. Le pire, c'est que dans son entourage, apparemment, il y a quelqu'un qui aurait commenté que Ron Extall lui ferait de l'intimidation. Faut-tu être rendu loser pour dire ça? Je joue pas parce qu'il m'intimide. Non, mais non. Le pire, c'est que ça me surprendrait prends pas. Prends ta retraite. Même. C'est ça parce que, tu sais, il se présente. Il menace avec un bâton il de goaler. Il se pratique, puis tout ça. Puis il l'aurait appelé cet été pour lui dire... C'est pas parce qu'on change de coach que ton sort va changer. Ça a l'air qu'il aurait dit ça cet été. Comment ça tu sais ça, Asti? À chaque fois que je me demande ça, genre the fuck des noms. Moi là, je fais des recherches, Asti. Mallette enquête. Moi tout, je fais des recherches, j'ouvre Google, même je fais des recherches. Hashtag mallette enquête. Fait que ouais. Vincent Cavalier intimidation. Et puis là, toute l'histoire est sort. Je suis tombé là-dessus. Tu fais comme dans le temps, tu tapes Vincent plus le cavalier plus intimidation. T'es sûr que les trois mais mots vont le, dans mais le pire, là, c'est que... Ça marche encore, ça, d'ailleurs. C'est crédible, là, parce que Ron Extall est assez mon gars, là. C'est-tu qui pourrait faire ça pour moi? Oh, OK, là, mais c'était le cavalier, il me semble. Tu dis, hey, Extall, ferme ta gueule. Non, non, mais... Ça, c'est mallette en c'est bon sens. C'est pas moi, quand ouais, mais ouais, mais quand t'es... Je veux dire, quand t'as pas une bonne relation Ron Extall, avec ton DG, c'est là, si tu marres, t'as juste le goût de coller ton canada-là. Non, mais pourquoi il reste? C'est ça, pas d'ailleurs. Il y a son contrat, il y a de l'argent. Prends ta retraite, va-t'en à TVA Sport. Ouais, voilà. Mais c'est pas un gars. Parler comme un infime. Ouais, mais Brisebois non plus, puis Théo non plus, puis ils sont tous à TVA Sport. Hein. Il peut pas faire payer. Non, Brisebois est plus moins, là. De moins en moins. Oui, ouais. Là, il apparaît juste un segment vers 1h à 3h. Ah, ils ont compris. 1h à 3h du matin. Non, mais ils l'ont enlevé du stage. Là. Ah, mais il y a eu ça, une bonne affaire. Brisebois est encore à Dave en direct. Dave Morissette. Ouais, mais ils l'ont enlevé du live, genre, pendant les pauses. Ils ont remplacé Patrice Brisebois par Jason Snyder, il y a 2 semaines. Juste pour donner une idée. Ben, meilleur pour de vrai. Elle était là pour commenter la game. Oh, moi, je trouvais que les gars, c'était bien meilleur. Ben oui, qu'est-ce qu'elle connaît au hockey? Ben, pas absolument. Mal plus que Patrice Brisebois. Autant que Patrice Brisebois. Elle a pas chié dans les coins, elle. On s'est entendu que t'es TVA en tabarnak. Hein, elle connaît pas plus de pas au hockey. Elle fait juste mieux parler. Ouais. Ben, elle a pas déjà fourré avec Guy Carbonneau, elle. Ouais, c'est ça, là. On a déjà parlé de ça. On l'a déjà dit. Ouais, ouais. T'étais pas là, je pense, c'est le premier épisode. Non, mais c'est juste la fille. C'est juste la fille de Québécois, Vidéotron, qui se pointe sur tout ce qu'elle peut. Non, c'est toi qui l'a dit, GF. C'est elle qui l'a dit. Non, mais c'est moi qui ai dit ça. Non, elle a dit une affaire qu'elle avait couché avec un capitaine des Canadiens dans les années, je sais pas quoi. Elle a dit au banquier quand c'était l'affaire de Piqué Souben. C'est elle qui l'a dit qu'il faudrait quelqu'un en direct au banquier à 7h le dimanche à TV. Elle a fourré en direct au banquier. Ouais, c'est ça. Elle a fourré le banquier. Ben, ça, c'est sûr qu'elle a fourré le banquier. Mais c'est que qui le banquier? Le banquier, c'est son chum. Elle a mis la strap, puis après ça, elle se penche. Il y a sûrement le temps d'aller au banquier. OK, elle, c'est une backpagger. C'est vrai de ça. Maintenant, on sait que ça s'appelle du pegging. Du pegging, ouais. on n'est pas dans le genre d'être. OK, next. Le, probablement une des affaires non, les plus... Non, mais la troisième période, c'est comme une zone de tampon pour le hockey. On commence à être chaud, mais tu sais que la jasette commence avec l'état dans lequel on est en ce moment. Fait que ça vous donne une idée. Ça promet. Alors... prochaine nouvelle around the NHL, qui est une nouvelle nouvelle un petit peu pathétique, je trouvais, cette semaine. John Tortorella devient entraîneur des Blue Jackets. WTF! WTF! Moi, sérieusement, je peux pas croire qu'il y a encore des équipes qui ont pas compris. Man, il y avait tellement d'autres... Ben, moi, tu veux fouetter les gars pour un an. Qui y avait d'autres? De montrer que ça pourrait être bien pire si t'engages John Tortorella. N'importe qui, man. Qui a mis l'image cette semaine? Go make me a sandwich, je sais pas quoi. C'est moi. C'était quoi ça? Je sais pas. C'est une quote qu'il a dit. Ok, je pensais qu'il avait vraiment dit ça. J'ai fait une recherche. Tortellini, là. Il y avait plein d'autres choix à Marc, là. Mais qui? Ben, Guy Boucher, ouais. Guy Boucher, tabarnak. Mais c'est pas mieux Tortorella. L'ancien coach des Oilers. L'ancien coach des Canucks. L'ancien coach des... Ben là, on a une phase où ce que les entraîneurs qu'on se fait mettre dehors, là, présentement, c'est tous des coachs qui se sont fait mettre dehors qui vont prendre la place des autres coachs. Ouais. C'est des coachs de la vieille école. Ouais, Randy Carlyle, Dallas Eakins. Là, mets là-dedans... Mais ça, c'est normal. Il y a une rotation. Ouais, mais mets là-dedans des coachs qui reviendront plus. Ouais. Tel Guy Boucher. Guy Boucher va revenir un jour. Ah, ça va être long. C'est sûr. Ouais, il y a un impact à part qui va l'engager. Ça, c'est sûr. Là, il est où? Il est en Europe, il Boucher? Oui. Mais sérieusement, être dans marde puis pas vraiment de coach intéressant disponible, là. Tac. Je prendrais pas Tortellini. Ah, non, c'est vraiment le curse, là. C'est déjà l'ai dit de faire. Ah, c'est juste un petit. Alex, you're next. Mais avoir pas le choix, je prendrais pas Tortellini, man. Ben, Tortorella, je le prendrais pas non plus, mais ça me dérange pas de l'avoir revenu dans la Ligue nationale. Ah, moi, je le n'aime pas. Tortorella, ce qui me trouvait drôle, là, c'est qui le meilleur joueur des Blue Jackets, selon vous? Là, ben, c'est Johansson, genre. Là, bon, ben, la première chose que Tortorella a déclaré le lendemain qu'il était engagé, c'est que Johansson, tout était pas en forme. Le lendemain matin, Johansson, il est retourné chez eux, puis il a déclaré qu'il était malade. Ben, c'est peut-être vrai là qu'il est pas en forme. Non, tout, mais là. Il me semble que quand t'es un nouveau coach puis tu rentres, tu commences pas à dire toi t'es pas en forme. Tu verrais-tu? Genre, ben, moi je peux juste. Ben, c'est pour ça qu'ils l'ont engagé, genre, c'est vraiment pour les fouetter. Pour les fouetter, ouais, mais c'est un gars de même. On n'est pas des années 50. Ah, mais lui c'est un gars de même. En même temps, c'est que ce qui est con, c'est que tu sais, quand t'engages Tortellini, tu sais que c'est lui qui run the show, là. Ouais. Mais run the show, mais il te fait des callistes de speech avant une game, par exemple. Puis il est capable de. C'est ça, toi. T'es dans la chambre, ah, ouais, speech déjà... motivateur ou un speech pour te dénigrer. Hey, vous êtes mieux de gagner, mais t'as marre. Il a été dans un des 24-7, lui. Ou, ah ouais, c'est ouais, ça. Premier. Il était là. Le premier, ouais. Ben au moins, à Columbus. Je dis ce que j'ai dit, Mark. Ouais, mais attends un peu, quand t'es filmé, puis que. Genre, tu sais qu'il y a des caméras. Non, tu le vois, non, mais. Tu joues pas de la même voix. Est-ce qu'il y a des cannes, t'as chié dans les coins, c'est ça que tu dis. Non, mais excuse, mais tu changes ton mind deck. Parce que Tortorella, c'est un god talk. Il y a du monde qui parle pas beaucoup. Il y a du monde qui parle pas beaucoup. T'en as qui sont verbales. Il y en a qui sont pas verbales. Ils vont faire comme gars. T'en as qui font des VHS avec des petits bandons. Un petit speech, là. Mais ça marchera pas beaucoup avec bien des joueurs aujourd'hui. C'est aux joueurs de faire ça. En tout cas, à Columbus, à part. Les joueurs, ils font pas grand monde qui vont là. Regarde. Il y a plein de monde qui va se faire mettre des vraiment, ouais, un coup de canon quand ils hey, on verra, Noé, qu'est-ce qu'on va donner, Tortorella, on en reparlera, Tortorella. Ça peut faire une belle surprise, pareil, on sait pas. Ah, ça, on devrait faire une liste des puis, c'est-tu quoi? Mais t'as peu. C'est-tu quoi aussi? C'est que si Columbus, il y a un mauvais dossier, hey, même en début de saison, là, c'est peut-être, là. Ouais, c'est vrai. Là, on trouve qu'on développe bien que sur le sujet. C'est peut-être parce qu'il y a un problème dans l'équipe comme à Pittsburgh. Ouais, c'est justement, on a parlé d'intimidation avec le cavalier. Il y a Patrick O'Sullivan des Oilers qui s'est fait intimider par son père quand il était jeune. C'est quoi cette GF, cette nouvelle-là? Ouais, c'est ça. Il a fait un témoignage cette semaine. That's fucked up, though. Moi, je l'ai lu là-dessus. Puis, c'est intense. C'est qui, ce Patrick O'Sullivan? Non, non, non. C'est pas de l'intimidation. Lui, c'est de l'abuse. C'est fait de okay, mais moi, c'est comme ben, l'intimidation, c'est un mot gentil. Non, c'est fait de Chris, t'aurais dû mettre ça, je l'aurais pas parlé. Non, qu'est-ce qui est dit vraiment? Ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, que son père, quand il était pas content de lui, là, il faisait un vieux rat de vomi. Il a vomi dans sa manche. Comme... Non, ben... il a disquets, mais il rate avec l'écho dans ses mains. C'est ça, ben, son père, ça a l'air qu'il faisait entraîner pas mal, puis que quand il vomissait, son père le forçait à manger le vomi, puis il le laissait coucher dehors. Une fois, il a fait ça. What the fuck, ben, après ça, quand, mettons, après une game, il faisait courir des milles en arrière d'un truck. Ah ouais. Et après ça, il donnait des tapes. Après ça, c'était un coup de poing sur la gueule à 16 ans. Tu sais, quand il jouait pas bien. Il bougeait de ville en ville pour qu'il soit un super bon. Il l'attachait dans son camion pour le faire courir comme 4000 après une game. Ça fera pas de bon. Il a écrit un livre. Aujourd'hui, il joue sur une quatrième ligne. Je sais plus quelle équipe. C'est ça. Puis il drop-tu les gars. Non, mais il dit qu'il aime encore le hockey. Ouais, mais d'après moi, il fait pas ça à vos enfants. Il y a un gars qui est pas faire un cross check, il se met à pleurer une petite boule sur la glace. Ouais, mais fais pas ça à tes enfants. Ça a marché, il joue dans la Ligue nationale. C'est un joueur faible, si. Mais en tout cas, après ça, à 16 ans, il y a un restraining order, il a plus jamais vu son père. Ça finit mal. Belle famille, ça. Belle histoire de famille. Il joue dans la Ligue nationale. Ouais, son père a réussi. C'est ça. Il n'y aura pas une calice de scène. C'est le phénomène. Ben peut-être, mais son gars, il a réussi. C'est comme les pères de joueurs de football. C'est une quatrième ligne. Ben tabarnak, j'aimerais mieux que mon gars joue sur une quatrième ligne dans la Ligue nationale que jouer genre dans la Ligue américaine toute sa vie, man. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aimerais que ça dans ouais, mais ce gars-là, peut-être qu'il aurait eu le potentiel de jouer sur une 3 puis une 2, mais il a tellement été traumatisé, man. Puis ça peut être l'inverse aussi. Peut-être que son père qui l'a brassé de même, ça a fait qu'il joue dans la Ligue nationale aujourd'hui. Manger du vomi, tabarnak, là. C'est dégueulasse. Imagine s'il avait diarrhée. Non, mais ça. Des shots à gueule. Faire entraîner ses shots à gueule. Alors, je sens. En tout cas, moi, les gars, moi, je trouve pas ça drôle. Non, c'est chien. Ben, moi, ça vient me chercher beaucoup. Ça peut arriver à tout le monde. Prochain point que moi, je trouve très drôle. Evander Kane a manqué une pratique pour aller faire son épicerie. Ça, c'était dégueulasse. Cette semaine à pratique, Evander Kane, il est arrivé en temps de pratique. Mais même pas, il est pas arrivé en temps, il a juste pas été. Tata, man. Puis ouvertement devant les journalistes, il déclare « Ah, c'est parce qu'il fallait que j'aille faire mon épicerie, tu sais, c'est pas évident. » Ah, mais lui, il était... Voir qu'il fait son épicerie en partant à lui, là. Ce qu'il a déclaré, c'est que ça lui a pris 25 minutes de trouver les céréales dans l'épicerie. Ah, mais il se fout de la gueule des journalistes. Puis la raison pourquoi que l'équipe n'était pas capable de le rejoindre, c'est parce que ça a l'air que sa blonde a essayé de pogner son téléphone cellulaire puis elle a essayé de rentrer dedans pour checker ses affaires, mais elle ne trouvait pas son mot de passe, fait que son téléphone a bloqué. Ça, c'est ce qu'il a dit aux journalistes. Est-ce que Evan Kane a changé? Ok, alors on fait un test. On fait des mauvais mots de passe, nos cellulaires, voir combien de temps avant que ça bloque. Moi, je pense que ça bloque 5 secondes ou 50 secondes. Je fais toujours le mauvais pattern. Mais tu sais, sérieux, le commentaire, j'ai passé 25 minutes pour les céréales. Qu'est-ce que tu fais? Je fais toujours le bon. Non, mais pourquoi tu dis ça au monde? Je sais pas, mais vraiment, tes coéquipiers, qu'est-ce qu'ils doivent penser de toi? Ben, t'es un épave. T'es quand même un câble. T'es un taré, man. Il l'a sûrement déclaré en portant des pantalons de jogging. Ben, que tu penses plus big que l'équipe. Ouais, que tu penses plus fin que tout le monde. Des pantalons de jogging gris qu'un chandail gris. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ben, Evander Kane est blessé puis il va manquer 4 à 6 semaines. C'est 30 secondes, by the way. Tout en blessé, par exemple. Sur un Android, ouais, ça dépend. Lui, il a peut-être un BlackBerry encore. Ah! BlackBerry, c'est super sécuritaire. Ça doit être au moins une heure, ça. C'est tellement sécuritaire qu'il n'est pas capable de l'ouvrir, son téléphone. Nice. BlackBerry, c'est safe. Le réseau tombe pendant 3 jours puis il se passe à rien. Les Panthers de la Floride ont perdu 154 millions de dollars depuis 1997. Ça, c'est dans le cahier. Déménage-moi ça. Ouais, ils vont partir. Ah, tabarnak. C'est dans le nord. Même c'est ça, la ville veut même pas y donner. Je peux même pas croire pourquoi. Ils demandent de l'argent à la ville. On pense à faire des expansions alors que t'as des. C'est fucking Batman, là, ça. Parce que. Ouais. Batman, il refuse de voir la vérité en face. T'inquiète. Ouais, non, mais c'est pas bon. Batman avec un petit doigt. C'est pas bon pour la marque. Pose-y le doigt. C'est pas bon pour la marque une équipe qui s'en va des States qui réussit pas aux States. Pose-y le doigt. C'est pas bon pour le contrat de TV. C'est pas bon. C'est pas bon pour la marque. C'est pas bon pour la NHL quand tu prends une équipe aux États-Unis. Savez-vous combien ça coûte un billet pour l'enflure? On s'en fout. Lui, Batman, il s'en calisse. Lui, c'est comme bon. Je pars une équipe et je suis obligé d'en déménager parce qu'en Floride, ça marche pas. Je pense qu'ils remplissent même pas le corps de l'amphithéâtre à chaque fois. C'est un sport mineur, plus c'est pas un gros amphithéâtre. Il y a même des places. Là, non, attends un peu, il y a des places qui remplissent quand même plus que non, ça. Non, mais même hey, Nashville, on s'entend, c'est pas une ville de hockey. Je comprends, mais c'est un marché mineur. En déménageant des équipes, en fermant des concessions, tu montes encore que t'es un sport mineur. Fait que c'est pour ça qu'il veut pas déménager puis il dit non, ils vont rester là, Pas juste ça. Ça montre une stabilité. Quand tu pars une expansion puis tu demandes 500 millions pour partir une équipe, tabarnak, tu fais de l'argent. Ben plus qu'en déménageant une équipe. Ouais, mais ça, c'est toutes les équipes qui touchent à ça. Là. C'est un revenu de la Ligue nationale, ça va. Peut-être, mais tu fais plus d'argent qu'en déménageant une équipe pareille. Ouais, absolument, c'est sûr. Fait que tu sais, je veux dire, ils voudront jamais faire ça. Si un jour on veut les Nordiques dans la Ligue nationale, ça va prendre une équipe qui déménage. Parce que les équipes. Là, il y a 16 équipes dans l'Est. Non, c'est une expansion. C'est sûr qu'il y a une expansion. Non, mais s'il y en a une à Las Vegas puis une ici, ça veut dire qu'on reste au même ratio. Là. Non, il va y avoir une équipe à Las Vegas puis une autre équipe à quatre ports dans l'Ouest. Non, il n'y a rien. Non, Seattle, ça, c'est out. Ça va venir. Seattle's out. Ça va venir. Non, l'Arena est finie. Seattle font la bataille. L'Arena, ils n'ont même pas fait de bid. Pour l'instant, Seattle, c'est pas dans le. Parce que ce sont pas caves pour qu'ils paieraient 500 millions. Mais tu vas payer plus cher plus ta temps, man. T'as pas Kansas. Ça ira pas. Tu pourrais mouver facilement les Hurricanes puis les Panthers, genre à Québec puis à Vegas, puis tu resterais à 30 équipes, ça serait bien. Ah, mais lui, il veut plus d'équipes. Ouais, je sais qu'il veut plus d'équipes, il veut pas voir la vérité en face. Ça augmente le revenu. Puis si les villes sont encore assez épaisses comme Glendale qui leur donne des millions aussi. Ça augmente le revenu. Pourquoi? Parce que Chris, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher de l'argent dans les équipes qui en font le plus. Non, les revenus globales, c'est ça ensemble. Mais c'est ça, je te dis. Mais. Pense à Glendale, tant que les villes vont commencer. Excusez-moi, je sais pas si tu dis Glendale, je pense à Glendo. Glendale? Regarde, Arizona, comment ils ont pu subventionner l'équipe des Coyotes? Tant ben que ça, c'est un autre crise de coups. Ouais, mais tant que les villes vont faire ça, il n'y a aucune raison de bouger. C'est eux autres les villes. Les villes, c'est jusqu'à temps qu'ils pognent leur quota. Ben, à Floride, ils feront pas. Ils ont dit non. Ils sont épais. Prochain point. Dougie Hamilton aurait forcé une transaction avec les Bruins parce que l'équipe a refusé d'aller chercher son frère Freddy. C'est ça qui est arrivé. Ça a été déclaré cette semaine par un journaliste à Boston. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Parce que lui, dans le fond, il reste une année de contrat présentement cette année, puis il a renouvelé avec les Flames de Calgary. Il a demandé aux Bruins de Boston, il dit « OK, je vais signer avec vous autres à long terme si vous allez chercher mon frère Freddy. » Son frère Freddy, c'est comme l'équivalent d'un Louis Leblanc. Il est pas bon. Puis Boston, ils ont dit « Fuck off ». Fait qu'ils ont échangé Dougie Hamilton. Puis la première chose que Calgary ont fait quelques mois après, c'est qu'ils ont été chercher son frère Freddy pour lui faire fermer ailleurs. Dougie. Docteur Dougie. Freddy, il va faire quoi dans la vie? Dougie, c'est un câble. Dougie et Freddy. Ben qui est Dougie et Freddy quoi? Freddy, il va faire quoi dans la vie, lui? Freddy, il va juste, d'après moi, il va être le porteur d'eau. Ouais. Probablement, parce que c'est pas un gars qui va jouer ça dans la Ligue nationale longtemps. D'après moi, c'est un œuf aussi ou quoi? Porteur d'eau, man. C'est le meilleur joueur de l'équipe. C'est un attaquant. C'est ce qu'ils disent. Whatever. C'est un blond frisé. Okay, il n'y a pas gros de points en plus. Bah non. Prochain point. Sergei Gonchar. Ça, c'est vraiment. Je m'excuse, mais ça, c'est vraiment dans le rêve des rumeurs. Tu vois, ça a skippé. La poudre de roquette. Tu sais, ça a skippé. Moi, je me suis pas tout. Mais juste un petit peu, tu fais que la poudre de roquette. Rien, là. Je suis un pro, je connais ça. T'es chaud. Là, c'est ça, gars. Sergei Gonchar devient le coach des défenseurs à Pittsburgh. Oh, ouais. Ouais. Ça, c'est spécial parce que dans le fond, il a été invité au camp pour participer à faire l'équipe. Là, il dit, ah, ben, t'es trop vieux. Fait que viens donc coacher le monde, tu sais. C'est correct. On s'excuse de t'avoir fait venir pour rien. T'as dû coacher les défenseurs. C'est à peu près ça. Mais en même temps, tu sais. Tu peux être l'assistant de joke, Martin. Il a été là encore les hommes. Mais est-ce que ça redire officiellement ou il est juste coach il a là? Pris sa retraite. Ouais, okay. Il reste quoi, là? Fait pendant deux ans, il peut plus jouer dans la chaîne. Non, je pense qu'il n'a pas pris sa retraite encore officiellement. Pendant deux ans? Ouais, si tu déclares que t'es retraité, pendant deux ans, tu peux plus jouer dans la NHL. Mais là, s'il coach défenseur, mais il a pas pris sa retraite, il peut revenir l'année prochaine. Ouais. Ah, ouais. Ça pourrait signer n'importe quel. Ce serait vraiment bizarre, ça. C'est quoi le nom du gars dans Slapshot qui est coach puis joueur? C'est Paul Newman. Reggie Dunlop, man. Reggie Dunlop. Ah, c'est ça. Paul Newman. Dunlop. C'est ça, Paul Newman, ça, je trouve. Ben, c'est un Chris de vieux singe, Dunlop. Bonne chance à Gunshar, mais Fred est vraiment... C'est là qu'il fait de la sauce barbecue. Ouais, elle est piquante un peu. Il est un peu mort, lui aussi. Ouais, il a mangé trop de sauce. Oui, mais sa sauce existe encore. Dunlop, t'es un soeur de graines, Dunlop. Quand j'ai le temps. Quand j'ai le temps. Max Talbot renvoyé dans la Ligue américaine. Ben oui. Ouais, that's mine. Hey, puis il dit qu'il y a du monde. Hey, ça, c'est check. Mon sujet. Oh, j'ai vu ça. Ça, ouais. C'est ça vraiment, le pauvre gars. Pauvre gars. Une game. Puis pauvre, game. Pauvre Fefan qui disait oh, on aurait dû chercher Talbot au ballon. Ben oui, il va faire quoi? C'est un Bégin, ça. Jouer sur la quatrième. Un Bégin puis... moins talentueux. Ouais. Hey, aucun rapport offensif. Plus de temps. Non. Peut-être un peu de corps. Non, il était offensif quand il jouait pour les Penguins avec Crosby. Depuis qu'il était à Boston, ouais, il fait. Y a c'est un Bégin, c'est vraiment un Bégin. Il a tout donné là-bas, puis Pittsburgh s'en est débarrassé. C'est un gars de cœur, c'est ça. C'est un gars de cœur, mais à Montréal, il a eu ses meilleures années. Ils l'ont brûlé à corde, puis c'est comme dans Predator qui disent « Je suis pas un outil qu'on jette après usage. » Il est fait en peau de pénis, ça. Il est correct, là, quand même. Il est fait en peau de pénis. Talbot, c'est un bon, outil mais... qu'on jette après usage. Comme Gallagher, ça va être un outil qu'on va jeter après usage. On verra. Ouais. Il y a une rumeur de transaction entourant Steven Stamkos. Ouais, ça, c'est un sujet que je voulais partager avec vous. Mais je l'ai vu, ça. Puis t'as mis Calgary-Boston là-dedans. Ouais. De quoi ça, ouais, excuse avec... Stamkos, il y a une rumeur d'échange à son sujet. Avec les Leafs, sûrement. Non, mais les Flames. Calgary, puis il y a Boston que Jeff a marqué. C'est, que... Ça, c'est les rumeurs, mais savez-vous que Stamkos devient joueur autonome cet été? Sans compensation. Pourquoi c'est ton écran d'iPhone avec rien dessus? Non, c'est parce que dans le fond, je vais vous résumer les rumeurs qui ont été annoncées. Hey, c'est un vrai petit Renault Lavoie. Voyez-vous aussi? Jerry Pluggy, c'est gros canot. C'est ça. Dans le fond, pour... Savais-tu que... Savais-tu, man, que Stamkos était... Laissez-y dire son point. Là. Il reste 50 secondes à la période. Là. C'est ça. Dans le fond, la rumeur là, qui a été sortie, c'est Boston offrirait David Krejci, David Spartnak et un choix de première ronde. Spasternak. C'est pas assez. Ah, Jeff a manqué un nom de joueur. Prenez une gorgée, tout le monde. Ah, ben, Spartnak. Tout Spartnakus. It's all part of the plan. Calgary qui donnait... Calgary donnait Sam Bennett, Dennis Wineman, Josh Joris et un choix de première et de deuxième ronde. Excuse quoi? Sam Bennett? Ouais. C'est le seul qui est intéressant là-dedans. Là. Dennis Wineman, il retourne. Dennis Wineman, dans le fond, il retournera à Boston parce qu'il a déjà joué pour Boston. Mais c'est impossible. Ben, ça, c'est ce que tu payes pour un joueur de location. C'est ce parce que c'est lui que ça vient. Ils veulent aller chercher genre à la date limite des échanges, là? C'est quoi là, la rumeur, là? Ben, c'est parce que la rumeur, c'est que Stamkos, ça a l'air qu'il y a des équipes qui s'informeraient pour l'échanger. Si Tampa Bay n'est pas capable de signer Stamkos à long terme, est-ce qu'ils vont l'échanger? C'était ça que je voulais que vous posiez une question, les gars. Ils vont le signer. Et si Stamkos s'y bouge, ça sera jamais avec Calgary, ça va être à Toronto. Pis... Non, il va aller dans l'Ouest. Hey. Il peut choisir où ce qu'il veut. OK, toi, tu décides qu'il décide de le laisser agent libre. Il est agent libre sans résistance. Non, il peut essayer de l'échanger avant. Là. Ouais, mais il va dire non. Il y a une clause non-échange, lui-là. Pas sûr, c'est sûr que oui. Ben oui, mais dans le fond, il peut dire oui ou non s'il peut se faire échanger, mais je pense... Tu sais, si t'aimes pas bien, ça va dans l'Ouest. Si t'aimes pas bien, le père compte rien. Là. Non, Eisenman ça mérite, mérite de perdre sa job direct là. Tu peux pas perdre Stamkos au bal. Tu sais, laisser partir agent libre. Là. Ils vont essayer de faire quoi avant? Là. Ah, mais si t'aimes pas bien, il fait rien. Lui, il va prendre son agent libre sans compensation. Puis il va être bien content. Puis ça il va négocier avec pas, toutes les équipes. Ça. Ben pourquoi non, pas? Ils vont vendre les droits ou quelque chose pour quelque chose. C'est sûr que quelque chose va se passer. Puis on s'entend que Stamkos, ça va valoir au moins 10 millions par année l'année prochaine, à peu près, au moins minimum. T'aimes pas bien, ils n'ont pas les moyens de se le payer l'année prochaine parce qu'il faut qu'il re-signe Alex Kilhorn, Nikita Kucherov, tous les jeunes qui ont été moi, forts. Moi, ces gars-là, je garderais Stamkos avant Kucherov puis avant Kilhorn. Ouais, mais Kilhorn, on s'en encore c'est un cave. Tyler Johnson, attends de voir les signatures qu'il va faire l'année prochaine. On s'en parlera l'année prochaine. Ben là, Don Sweeney, c'est un cave. Oui, mais Eisenman... Attends, on va le voir, Eisenman, là, le noyau de ces joueurs que là, c'est pas lui qui a été cherché, là, c'est Julien Brisebois. Hey, choque-toi pas. Non, je fais juste te dire, je parle comme un gars de match. Plus ça va, plus Jeff, le noyau de joueurs. Mais même chose pour Montréal, le noyau de joueurs qu'on a. C'est une chose qui a été cherchée, là. Notre recruteur de Montréal. Il roule tout le temps vers moi. Mais là. Ah, le plancher il croche. Tu sais, je veux dire, c'est le recruteur de Montréal qui est allé chercher les joueurs qu'on a à Montréal aussi, là, lui qu'on a actuel. Là, Bergevin. Pas Bergevin. L'autre là, qui s'occupe là, du scout. Là. Timmins. Ouais, Terry. Bergevin, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi à bâtir un club avec de la profondeur en entourant le noyau qui était déjà établi là. Ouais, mais c'est Timmons qui fait épique, là. C'est lui qui scout, là. Je sais, mais... C'est la même affaire Brisebois ou whatever, là. Allez, c'est plus qu'un scout, là. Non, mais c'est lui qui décide à la fin. Là. C'est lui qui a le last call, là, qui fait comme « OK, gars, moi, là, je te dis, là, c'est lui qu'il faudrait qu'on aille chercher, ça se passe à même. » C'est qui a donné le contrat? Ouais, ça, ça vient automatiquement avec le pic. Il trust son scout. Ouais. Il fait comme « Go! » C'est toi qui les a pris, c'est toi qui les engage. Après ça, c'est lui qui dit « OK, ton pic est bon, fait que je vais lui donner de temps. » Mais c'est non, mais les salaires de pic, c'est... Un contrat, c'est 900 000, c'est 3 ans, c'est 900 000, puis après ça, tu fais comme un bridge contract, c'est genre 2 millions. Là. C'est ça, mais Bergevin, il a réussi à bien gérer ses contrats, justement, pour amener un club avec beaucoup de profondeur cette année. Ouais, mais eux autres, la Tampa Bay, c'est tous des gars à 900 000 encore quasiment. Ben, tous c'est les ça. Gars, t'as nommé le ben, Iserman, là, il sera pas capable de les garder. Là. C'est pour ça que j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Puis ben, il va bien avoir des gars qui vont signer pas mal à 2 millions là-dedans pour 2 ans. Un gars comme Kucherov, qui était quasiment un meilleur marqueur du club, 5 il va demander, il va demander au moins 4-5 millions l'année prochaine parce que c'est un Russe puis son agent, c'est un esti de greedy, là, c'est sûr et certain. Puis Stamkos à 10 millions, là, il restera plus grand-chose pour signer ces petits gars-là. Puis Victor Hedman, faut que tu leur signes l'année d'après. Fait que bref, Tampa Bay sont dans la merde. C'est sûr. Moi, je prédis que Stamkos va probablement jouer pour un autre club l'année prochaine. Je l'ai tué. Ah, j'ai fini. Ils ont fini malheureusement. On vous avez fini? Eh oui. Stamkos. Hey, c'est une bonne discussion de ces gars. Pas déjà, un dernier point. Là, moi, c'est pas grave. De toute façon, vous allez tellement vous reprendre. Moi, je serai pas là dimanche aux choses. Oh, là, il est fâché. Tu vas être là. Non, non, c'est juste comme remettre les pendules. Il s'en revanche. Je dis, ouais, mais tabarnak, je serai pas là. Dernier sujet du podcast par rapport à la vidéo que Martin partage aujourd'hui. Le jeune à Pittsburgh. Qui s'est fait donner une poque. C'est gros sang de sang. Ok, on va mettre les gens en contexte. Premièrement, c'était à Buffalo. Le petit gars, c'est un petit fan des Pittsburgh Penguins. Non, c'était à Pittsburgh. C'était à Pittsburgh, la mascotte. C'était à Pittsburgh, la mascotte de Pittsburgh. Alors, ok. Mais c'est Dan Bylsma. Mais c'est Dan Bylsma qui a donné la... Dan Bylsma, qui est l'entraîneur des Sabres, qui a donné la poque aux gens. Qui est l'ex-entraîneur des Penguins. Qui est l'ex-entraîneur des Penguins qui a donné la poque aux gens. Là, faut dire au moins aux gens qui ont pas vu la vidéo, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un jeune qui descend les escaliers en arrière du manégeoire. Des Sabres. Dan Bylsma le voit, il fait signe, je vais te lancer une poque, prends la poque. Il lance la poque par la sable vitrée. Il y a un gros tabarnak d'épais qui va pogner la poque direct devant le jeune. Un vieux calice de tata. Un gros pédophile. Un gros style dégueulasse. Il avait la poque puis qui s'assit. Il y avait des pantalons beige, justi. Le petit gars, le veste bleu. Là, ce qui s'est passé par après, puis ce qui était très cool de Pittsburgh, puis probablement Bylsma aussi a dû. Je sais pas si c'est Pittsburgh en tant que tel, probablement qui ont fait le move de faire ça, mais par après. La mascotte de Pittsburgh est allée voir le jeune. Ouais, c'est ça. Mais juste avant, il y a un staff de sécurité. Bylsma, il envoie une poque au staff, puis le staff, il va donner une poque aux jeunes. C'est ça, il va donner une poque aux jeunes. Après ça, t'as la mascotte de Pittsburgh qui descend avec un jersey des Pingouins. De Crosby donne le jersey aux jeunes. Puis après ça, il amène le jeune sur le bord de l'entrée de Pittsburgh pour donner des high-fives aux joueurs qui rentrent pour la troisième période. Ce qui est très cool. En gros, il a fait une faveur. Ouais. Ben, en fait, comme gars, à cause de cette grosse dessin ta soirée, là, être le père de ce jeune-là. J'ai eu la soirée de sa vie à cause de lui. Ouais, mais toi, t'es le père du jeune que tu vois ça là, devant toi. Moi, j'aurais été sur le banc en arrière, j'aurais été pissé sur la tête du gars, Chris. Non-stop, là. Parce qu'en arrière des caméras, même du banc, c'est filmé. J'aurais pissé dessus, man. Pour vrai, là. Ben, c'est hot. Moi, je trouve ça cool. Beau move, Steve. Mais gros, il a fait une faveur. Pour vrai, j'aurais été le taper le gros, me semble. J'aurais été donné de ma façon. Le plus, c'est que c'est ton genre de commentaire. Non, mais Chris, il a fait. Hey! Gros Chris de sang dessin. Il était pas obligé. Le petit jeune, à cause qu'il a volé à Puck, si, il y a eu une autre Puck, un chandail. Non, ça, c'est cool pour le jeune, mais le gars, à la base, c'est un Chris de sang dessin. Tu voles une Puck à un enfant. Tu vas walker, puis là, il y a comme un gars dans ma tête, il dit Pang là, man, est-ce que s'il y a un offside, la Puck sort, ça, n'importe quoi. Tout ta pogne, puis moi, ils vont venir me donner. De toute façon, moi. Ouais, c'est ça. Moi, je chiale, mais j'ai déjà. C'est tout arrangé, ce calice. Moi, je chiale, mais j'ai déjà volé de la crème glacée des enfants malades dans un hôpital la veille de Noël. Fait que je suis pas mieux, là, mais. Oh, yes! Oh, le chat sort du sac, non, on l'a déjà dit à Josette, il y a 2 ans, à Guillaume. Le chat ressort du sac. Le meilleur coule pas. Toi, non, allez écouter ça, l'épisode 35 ou je sais pas quoi. T'aurais fait quoi? Si j'aurais été mon gars, là. Ouais. sacrement, si ça aurait été 18 ans et plus à TV, c'est sûr. C'est... Moi, j'aurais rien fait, j'attends. Ça aurait tombé pay-per-view. Oh, t'aurais pu voir la fin de la game si Canal est tombé UFC 193. Ah non, ouais, si je pense que j'aurais pogné un patin, si puis je l'aurais assommé. Enlever un patin, frapper un adversaire. Il y en avait un avec un patin. Il y en avait un juste un. Il tout un. Je tout toujours mon patin. Un CCM, un 9,5. Ah ouais, si. Non, un patin pour femme parce qu'il y a des dents en avant. Ouais, ça fait plus mal, ça déchique. Ah ouais. Péter des dents avec des dents, il n'y a rien de mieux. Hey, c'est tellement méta, ça, péter des dents avec des dents, c'est fou. Puis après, fou! Après ça, t'aurais pu le doigter. Exactement. M'a passé le doigt, mon astuce sale. Le pire, c'est qu'il riait. Il a juste baissé ses culottes, vas-y. Ça finit dirt en crise, mais ça met bien la table pour l'épisode 38 de la jasette qui va suivre dans quelques instants. Passer le doigt, mon astuce sale. On parle ici du Carl Finger, Jeff. Du Carl Finger, là. Ok. Il va juste faire comme Michel. T'as plus le doigt, t'es. Smell this. T'as okay, écouté avec le Call of Finger, mon asti, toi. C'est la fin de l'épisode 3. Allez sur lasoiredupodcast.ca. Tous nos liens sont là-dessus. Je nomme plus Twitter, Facebook, tout est là-dessus. Puis venez rencontrer Mark le 8. Ouais, non, ouais. Venez. Je vais avoir un kiosque, je signe des autographes. Venez rencontrer Mark le 8. Il va être là une heure à l'avance pour signer Mark, des cartes. Il fait pas le podcast, lui. Il est sur le bord de la table, genre, puis il signe des cartes. Il va signer vos t-shirts. On vous attend au Geekfest le 8 novembre prochain, dès 15h. Martin va venir signer vos cols roulés. Il prend rien, t'as connu. Non, il va être là, c'est sûr. Non, oui. Puis écoutez, allez, suivez-nous, partagez nos épisodes, ça nous aide énormément quand vous partagez. C'était l'épisode. Quand vous donnez 5 étoiles, je sais pas trop quel Chris où, là. Ah, sur iTunes, là, mais. Sinon, si vous voulez pas donner 5 étoiles, ben, m'arrête de la barre. Au pire, donnez-nous 1 étoile, au moins, on a des ratings, là, sans rien de câble. Ouais, puis fais son 5 étoiles, c'est pas. Juste... Ah, bon, on s'en calisse dans iTunes. Nous autres, il y a RZO qui s'en vient qui va être over iTunes, là. Et voilà. Ouais. On dit ça, mais ça fait tout l'épisode de 3. Un peu de hype. Un peu de hype comme ça. Alors, ben c'est ça. C'est la fin de l'épisode 3. À la prochaine, tout le monde. Tabarnak.